l'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Je suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Skyrock, c'est parti, 21h, passez un bel été avec la plus grande radio libre de France, les meilleurs moments, la spéciale avec Difool et toute l'équipe. Avant minuit, j'ai des cadeaux à vous offrir dans l'émission, bien entendu, avec la roulette qui va tourner. Vous pouvez envoyer le mot roulette dès maintenant au 72020 si vous souhaitez participer, venir sur l'antenne, crier stop et décrocher peut-être l'enceinte Monster Backfloat qui fonctionne partout, même dans l'eau, à valeur 200€, et vous pouvez l'emporter partout, à la douche, à la plage ou encore à la piscine. Et on vous rajoute en bonus la compil Planète Rap 2016 avec les 40 sons les plus puissants de Skyrock sélectionnés pour vous cet été sur Skyrock. On y va, petit sommaire de l'émission maintenant. On va retrouver Nour qui doit annoncer à ses parents plutôt strict que son mec a 15 ans de plus qu'elle. Elle a 19 ans, lui 33. Leslie de Lyon qui a un problème, ça l'empêche de rentrer chez elle. Mais de quoi s'agit-il? Et le super clash aussi, ce sera sur les coups de 22h10 par là. Et Cédric Romano vont téléphoner chez les familles pour essayer de pécho qui sera le plus séduisant à suivre. Et le collecteur du double appel, on va retrouver tout ça avec les habitants du 12 et du 80 ce soir. On va les mettre en contact, ils ne se connaissent pas et vont se rencontrer. Puis à chaque fois ça se passe plutôt bien, on est pour la paix des Français ici sur Skyrock. Et tout de suite pour attaquer l'émission, voici Gildas de Lyon qui veut faire de sa passion son métier. Quel métier? On découvre tout ça maintenant avec Difool et toute l'équipe. Radio Libre jusqu'à minuit seulement sur Skyrock. Il a 14 ans dans le 89. Un bon Gildas. Allô. Salut la Bourgogne. Salut l'équipe. Salut Gildas. Toi Gildas, tu voulais nous parler d'une de tes passions. Tu as envie de te lancer dans un truc. Et du coup ça terrorise tes parents, c'est ça hein? Ouais. Bon, d'après vous, qu'est-ce que Gildas il veut faire? Du free fight. Qui fait stresser ses parents. Cascadeur. Du free fight. Alors t'as 14 ans toi Gildas. Ouais, hein? Cascadeur. Alors free fight d'un côté. Non, c'est Samy qui répond parce que c'est Samy qui t'a eu au téléphone. Ah, c'est pas pilote de chasse. Cascadeur. Marie, c'est ça, mais plus précisément. Ouais, Marie a dit chanteur, cascadeur. Bah, rappeur, pour Manon, alors. C'est pas ça. Non, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est bon. Bien joué, Romano. Bon, et donc toi, tu veux faire rappeur. Et tes parents, ils trouvent que. Mais c'est pas qu'en fait, c'est pour mes parents, c'est pas un métier, quoi. Bah c'est pas un métier, ça dépend pour qui. Pour Maître Gims, je peux te dire que c'est largement un métier par exemple. Ah ouais, ça c'est ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas un métier classique pour les parents. C'est une passion d'abord, et après si ça marche tant mieux, si ça marche pas faut se dire bah c'est pas grave, j'ai assouvi ma passion. Non mais ouais, et puis les parents tu vois ils s'attendent plus à ce que tu dises un truc genre médecin ou avocat. C'est vrai que c'est un métier quand même moins classique que plein de métiers. Tu sais la radio c'est pareil, moi quand j'étais petit que j'avais 12 ans, 13 ans, que j'avais commencé à faire de la radio et que je disais je vais faire de la radio. Oui, mais comme métier tu veux faire quoi? Ouais, mais enfin t'as eu de la chance, des parents ouverts quand même. Oui, en effet. Non, mais c'est vrai, ils t'ont pas trop fait chier pour exactement, ça. Mes parents sont un peu à mon image, intelligents. Moi aussi, je suis ouvert et cool. Non, mais il n'y a pas d'études, par exemple, pour faire rappeur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'études. Après, tu peux quand même rentrer dans les écoles de musique et de ça. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, t'as les écoles de musique. Ouais, mais quand tu vas au Bahut, il n'y a pas un bac spécial rap. Non, mais t'as des cours de musique. Ouais, mais non, mais tu fais de la flûte en musique. Bah voilà, non, mais après, tu peux faire. Non, mais c'est un hobby à la base. En dehors du bahut, tu peux faire une école de musique. Là, tu fais l'instrument que tu veux, quoi. Voilà. Moi, j'avais fait de la trompette. Tu fous, il faisait de la batterie, lui. Il en a jamais fait de sa vie, mais. Si, j'ai une batterie chez moi. Ouais, mais t'en as fait combien de fois? Tu l'as vu, ma batterie? Ah, bah, je l'ai vu, j'ai même tapé dessus. Ah, bah, tu vois. J'ai été batteur. J'ai tapé mon cul sur la grosse caisse. Et d'ailleurs, si t'as perdu une baguette, je l'ai retrouvée dans mon cul il y a deux jours. Ah, bah, ouais. Depuis le temps. Je l'ai gardée depuis 5 ans, tu sais. Dans le bide. Explique-nous un peu comment ça s'est passé dans la famille, toi, Gildas. Quand t'as annoncé ça à tes parents, comment ça s'est passé? J'étais à table en discutant. Je leur ai dit ça. C'était en fait, le pire, c'est que je leur ai annoncé ça. Il y avait mon assistante sociale qui était là en même temps, tu vois. Pourquoi t'as une assistante sociale? Non, mais ça, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes. En fait, j'ai été placé chez ma grand-mère et c'est. En fait. Elle continue de te suivre, en gros. Voilà. D'accord. Du coup, le mari de ma grand-mère, en fait, il m'a fait. Ah, mais c'est nouveau, ça m'attend, qu'est-ce que tu veux faire, là? Et genre, il était limite, je le sentais, il était prêt à me mettre une tarte dans la gueule devant elle, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, salopard? Mais tu leur as fait écouter du rap à tes grands-parents? Parce que. Mais non, parce qu'en fait, pour eux, le rap, ils se focalisent sur Gradure et la Crime, du coup. Ah, ouais, non, mais écouter. Ah, ben attends, ils connaissent Gradure et la Crime? Ah, ouais, c'est ce que j'allais dire, déjà, ils sont calés, hein. Bah, attends. Ouais, sauf que moi, j'écoute pas que ça. À côté, j'écoute des vieux rap et tout, j'écoute du Oxmo et tout, moi. Toi, t'écoutes le rap depuis le début, toi? Ah ouais. Je vous conseille d'ailleurs Skyrock Classics tous les dimanches soirs 18h-20h sur Skyrock avec plein de sons qui ont fait l'histoire du, on peut le dire, l'histoire du rap qui se confond avec l'histoire de Skyrock. Si vous voulez écouter des gros sons, si t'aimes bien ça, tu vois, Gildas. Ouais, faut écouter. Ah non, mais j'écoute, hein. C'est un petit conseil que je vous donne, on va dire un petit conseil d'amis. Voilà. Qui est sympa. Un petit tuyau comme ça en Vincent, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que donc non, mais d'accord, mais tu veux faire rappeur, mais de toute façon là. Mais t'as déjà fait quelque chose, t'as déjà. Non, mais t'as pas fini l'école. Ah non, mais en fait le seul problème c'est que j'écris mes textes pendant les cours. Ah oui. Ah ouais, donc ça c'est pas. Non, mais t'as déjà enregistré un morceau, t'as déjà fait quoi? Mais en fait j'ai une chaîne YouTube. Après ma chaîne YouTube, tu vois, c'est que j'ai commencé à enregistrer. C'est pas tout à fait ça, mais si tu veux aller voir, c'est JTG officiel. JTG officiel, c'est ça? Ouais. Attends. Et c'est quoi ton blaze de rappeur, on nous demande là sur JTG. Les messages. JTG, d'accord. En fait, à la base, ça c'est parti d'un délire. C'est qu'en fait, c'était Jeune Thug Gourmand, parce qu'en fait, j'étais parti sur un délire avec des potes. Et au final, ça s'est transformé en Jeune Thug Gagnant. À la Jeune Thug Gagnant, moi je pensais à Je t'encule, Gédric. Je t'encule, même Gildas, tiens, regarde. Je t'encule, Gildas aussi. Oui. C'est pas mal ça. JTG, d'accord. Et t'as combien de vues sur tes. Tu fais quoi, des vidéos? Il y en a une où j'ai 306 vues. Bah c'est un début, c'est un début. C'est loin des 15 millions, c'est loin des 15 milliards de vues que l'on compte sur tous les réseaux Skyrock et notamment sur le réseau du prince du hip-hop qui en est précisément à 13,850,778 vues. Ah, mais moi, je suis connu, hein, je fais un featuring avec le prince du hip-hop, ça y est, je suis revenu. Ah, bah ça y est, la carrière, elle est lancée dans le mur. Hein, c'est dans le mur, c'est certifié. Non, est-ce que vous avez déjà eu des trucs? Dites-nous, parce que ça, j'aimerais bien savoir, vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez des passions qui faisaient flipper vos parents ou alors une envie d'un truc qui faisait flipper vos parents, qui vous voient médecin et puis vous expliquez à vos parents que vous avez envie de devenir, je sais pas, moi, cascadeur, on en parlait tout à l'heure. Ouais, ça c'est plus risqué déjà. Ouais, comment ils réagissent? Moi quand j'ai dit que je faisais de la radio, bah, de toute façon ils savaient que j'avais envie d'en faire, donc au final j'ai pas eu à leur annoncer au final. Toi tu leur as dit à un moment je vais faire du rap, moi j'ai pas eu à faire ma déclaration. Ouais. Oui, il faut que je vous dise quelque chose. Et toi, Romano, comment tu leur as dit? Attends, juste un problème sur ton pseudo. Le problème qu'il y a, c'est que c'est le nom d'un catcheur, mec. Ah, tu es un catcheur, Gildas. C'est déjà déposé. Ah, merde. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais c'est pas la même signification. Enfin... Ouais, mais ça part en couille. Parce que c'est pourri d'avoir le même nom qu'un autre truc. Tu vois, c'est comme, je sais pas, si Skyrock, on s'appelait Coca-Cola, quoi. Ce serait marrant. Bonjour, bienvenue sur Coca-Cola. Ouais, comment allez-vous ce soir? C'est la radio libre de Coca-Cola avec tous les animateurs de l'équipe. Non, mais tu vois, ce serait pourri pour la boisson, ça serait pourri pour nous. Quoi. Moi, on m'appelle Coca-Cola. Ah, bah écoute, c'est Coca-Cola, c'est moi. C'est je suis Coca-Cola. Ah, non. Voilà, c'est moi. Le caca, c'est bon. Oui, c'est bien, Cédric. Ouais, ça dépend. Et bon, bah, alors, vous nous dites et puis on y revient dans un instant, d'accord? On fait ça, Gildas? Ouais. Alors, toi, Nour, ton message, il est clair. Hein, tu nous as dit ton mec, il a 33 ans. Et toi, t'en as 19. Et tu sais pas comment l'annoncer à tes parents. Ouais. Parce que je sais pas comment, parce que je vais rencontrer sa famille. Je vais bientôt rencontrer ses parents, lui, et je sais pas du tout comment. Parce que moi, de mon côté aussi, il faut que j'en parle, du coup. Ouais. Alors, non, mais je pense que ça sera peut-être plus compliqué de ton côté que du sien. Ouais, certainement. Voilà, c'est ça le problème. Et pourquoi? Bah, parce que, une fille, c'est pas pareil. Ouais, non, mais je t'aime pas ça. Moi, je suis plus jeune. Ouais, c'est toi qui es plus jeune. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Ouais, c'est plus ça. Mais tes parents sont comment? Vachement strict. Ah, voilà, bah c'est ça le problème, je m'en doutais. Ça tombe bien. Et genre, par exemple, si tu le ramènes à un mec de 19 ans, est-ce que tu flipperais de leur le présenter aussi en disant, ouais, non, il va leur... Non, déjà, j'ai jamais présenté à mes parents, déjà. Et en plus, leur présenter la première fois à quelqu'un de 33 ans, je me dis, ça passera jamais. Ah, c'est le premier mec que tu vas leur présenter et il a 33 ans. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est, ça risque de faire. Et il est divorcé, tout ça, ou mais pas? Mais ça se voit sur sa gueule qu'il a 33 ans. Non, il fait vachement. Il fait vachement plus jeune et tout, ouais, mais même mentalement, tout ça, mais Ouais. Non, mais 33 ans, ça va, t'es pas vieillard. Ah non, clairement pas. Ah ouais, mais mon père, il en a 45. Ouais, bah écoute, bah, tu vois, s'il sort avec ton père, il y aura moins de différence que s'il sort avec toi. Ouais. C'est bien. Vous êtes tolérants, les auditeurs de Skyrock. Je vois les messages là sur SMS. Moi, les mamans de 40 ans, ça m'excite. Nous dit Enguerrand, il a la moitié. Parce qu'il a 20 ans. Salut Enguerrand. Il y a Blue qui dit l'amour n'a pas d'âge. Tant qu'elle n'est pas mineure, elle a le droit d'aimer qui elle veut. Oui. Après, ça, on est tous d'accord. Après, c'est pas forcément l'avis de ton père. Ouais, ta mère, et mon frère aussi. Et, ah, parce qu'il y a ton frère. Oui. Et mon grand frère, il a 25 ans. Oh, bah, lui, il va se mêler de ses meufs, déjà. Hein. Pour commencer. Après, c'est ton frère, il a peut-être envie aussi de... Il a peut-être envie de te protéger, il va peut-être se dire, oui, bah, c'est sinon, bien. J'ai une autre histoire. Bon, après, t'es grande, hein. Ah, c'est plus glauque? C'est moins gay. Alors, une histoire bien glauque. Ouais. Voici. Non, mais moins gay, c'est pas non plus, y a pas de mort ni rien. Oh merde. Carriole, Zizine. Elle, le mec avec qui elle était avant moi, il avait 70 ans. Non, peut-être pas. C'est pour ça qu'elle est sortie avec Romano après, parce que comme Romano était chauve et un peu plus jeune, elle s'est dit, je vais rappeler. Ça lui a rappelé des souvenirs. Non, mais elle avait quoi? Elle avait 19 ans, le mec, il en avait 35. Ouais, donc, ah bah, tu vois, comme toi, à peu près, nous, Ouais. À quelque chose près. Alors, bon, pour toi, Nour, les messages sur Facebook, qu'est-ce que vous nous dites? Cours plus vite que les balles, c'est le message de Momo sur SMS. Il y a Momo. Hugo, s'il t'aime, ils les accepteront. Si tes parents t'aiment, ils accepteront, ouais, ça c'est ça. Tiens, juste en dessous, il y a Pauline. L'amour n'a pas d'âge, ses parents doivent accepter, c'est pas leur vie. Love Yes, qui nous dit, moi je ne sortirai jamais avec un mec de 33 ans. Tu ne dis pas l'âge que t'as, Love Yes, mais toi t'aimerais pas, toi. Il y a Lila, Lili Naya. Bonjour, Lili Naya. Attendre que ce soit vraiment sérieux, déjà avant de dire quoi que ce soit, puis dire la vérité, tout simplement. Quel qu'il soit l'âge de son mec, s'il est sérieux et qu'il l'aime, ses parents seront rassurés et finiront par l'accepter. Alors tu fais combien de temps que t'es avec lui? Pas tort. Depuis cet été. Juin. C'est déjà un truc qui commence à durer. Ouais, c'est une histoire sérieuse. Moi, je voulais te donner mon conseil à moi, Nour. Moi, je dirais rien. Ouais. Je ne dirais rien. Encore, tiens. Je suis un peu d'accord avec tous ceux qui disent de rien dire. Regarde, par exemple, Thibaut, moi. Le souci, c'est que lui, il me présente, mais moi, à un moment, il va attendre en retour. Mais tu peux lui expliquer à ton mec. Je lui en ai parlé, mais même. Il t'a dit quoi? Moi, j'aimerais pas, personnellement, j'aimerais pas que. Si moi je présente, lui me présente pas, j'aimerais pas. Donc je me dis. Mais tu peux lui dire pourquoi tu. Mais lui, pour comprendre. Pourquoi ça peut te poser un problème à toi. Ouais. Et si sa famille, après, elle demande. Ouais, machin. Mais là, il y aura la famille, quoi. Là, il y aura déjà un petit peu plus de temps qui est passé et tu te reposeras la question après. Mais pour l'instant, il faut peut-être attendre un peu. Après, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. Et Nour, il n'y a pas tes deux parents, je sais pas, ton père ou ta mère qui est plus cool que l'autre. Comme c'est... ça, à la limite, tu l'annonces, ouais. Si ma mère. Tu peux peut-être en parler à ta mère. Bah ouais, déjà. Parce que ça fait du bien aussi d'en parler. Je découvre un peu, ouais. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs que tu nous appelles ce soir, parce que c'est vrai que ça fait du bien de parler quand on a un souci, tout ça. Ouais, c'est peut-être pas cool. Et si t'as quelqu'un. Il y a personne qui le sait, même mes copines, je leur dis pas parce que. Ouais, c'est pas honteux non plus. Ouais, c'est pas abusé. 26 ans, 27 ans, pour elle, c'est déjà trop. Non, et puis t'as raison de pas le dire aux copines, parce que si la copine le dit à quelqu'un, qui le dit à ton frère, par exemple. C'est une angoisse. Donc vaut mieux garder ça pour toi si ça te gêne un peu. Elle nous dit, mais elle n'a pas commis. Ah ouais, tiens, regarde, elle n'a pas commis un meurtre, elle ne mérite pas la peine de mort, la preuve. Elle sort juste avec un mec dont elle est amoureuse. Ouais, c'est vrai. Bon, en plus, vous êtes majeurs tous les deux, il n'y a aucun souci. C'est Tristana qui nous laisse le message. Ouais. Mais tu as bien raison, Tristana. C'est vrai, moi je suis ton père, je le tue le mec. Je le tue. Mais Maxou, ça va pas. Heureusement que Maxou est pas père encore. Maxou du 77 là. Présente-le sans dire l'âge. C'était aussi une idée que j'avais. C'est pour ça que je te demandais s'il faisait jeune tout à l'heure. Ouais, après tu peux m'étonner. Hein. Ça c'est Mathis de Gap. Ouais, mais un jour ça va savoir et ça va être pire, non? C'est vrai. Si tu restes avec lui longtemps, au bout d'un moment, ils vont savoir qu'il a. Ça va savoir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'es assez clair dans ta tête sur cette histoire, Nour. Mais bon, pour l'instant, puisque t'es juste invité chez ses parents. Donc pour l'instant, fais comme avant, va chez ses parents, tu vas voir. Et puis après t'avises. Et puis, le fait d'en parler à ta mère, si ta mère est un petit peu plus ouverte. Les femmes sont plus ouvertes mal, en général. Ça, je suis ouvert tout le temps. Ah ouais, je suis même béant. Tu sais que Marie est très très ouverte. Ouais, mais je sais pas, tu vois, si mon fils débarquait avec une nana, je sais pas moi, de 60 ans. Mon âge, par exemple, j'hallucinerais quoi. Ah, 60 ans, Marie. Non, mais si. L'autre, elle en a la moitié. Non, mais. J'ai pas 60 ans. Ah oui, j'ai pas 60 ans. Je pensais pas quelqu'un de 60 ans, mais quelqu'un d'à peu près. À peu près de mon âge, moi j'hallucinerais. Hein. Je pense que je prendrai Anna. Toi, t'es déjà sorti avec un jeune. Pourquoi ton fils aurait pas le droit de sortir avec une mineure? Mais jamais avec un écart. Si, avec un mineur, une fois. Espèce de mytho, t'es sorti avec un mec, il avait 22 piges, je crois. 17 ans. Non, non, je sortais pas avec lui. Oui, mais bon, Marie, elle en avait combien? Elle avait 27, 28 à l'époque. Ah oui, et puis sortait. Il y a une différence là. Ah oui, mais il y a quand même une différence. Un petit plan. Je me suis fait ken, voyons. Un petit plan cul, oui. Bah alors, merde, on a plus le droit de se faire ken. C'est ça. Il y a Adeline qu'on a au téléphone qui voulait réagir pour toi. Vos réactions, allez-y. Même ceux qui sont énervés, passez-nous des messages. Passez-nous des messages et passez-nous un coup de fil. Adeline du 7-8, bonjour Adeline. Bonjour. Bienvenue sur Skyrock. Salut Adeline. Salut Adeline. Salut. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? À toi, t'as 20 ans. Hein. Moi, j'ai 20 ans, mon copain en a 32. Ah, vous êtes presque les mêmes. Elle te bat de 2 ans, puisqu'elle en a 19. Nour, pour ceux qui viennent d'arriver, qui nous demandaient. Elle a 19 ans et son mec en a 33. Donc, moi, mon copain a 32. C'est, j'ai rencontré sa maman, alors que lui n'a toujours pas rencontré mes parents. Ouais. Sa maman, elle l'a plutôt mal pris, puisque, enfin, après, c'est différent, puisque son petit frère me connaissait d'avant. Donc, son petit frère a un peu foutu le bordel, mais. Ça se passe un peu mieux avec sa mère. Mmh. Et en tout cas, moi mes parents l'ont très bien pris. Ils m'ont dit tu veux être avec, tu fais ce que tu veux. Ils sont cool. Après, tes parents. On a qu'une. Moi, mais est-ce que tes parents à la base ils sont stricts ou pas? Moi, je vis avec mes grands-parents, donc qui sont déjà pas de la même génération. Oui, puis ils ne comprennent plus rien, vous savez, avec l'âge. Mais au départ, ils vont te dire qu'ils sont pas d'accord, et puis ils vont s'habituer. Moi, ma grand-mère, elle s'est habituée en 2-3 semaines. C'est le temps qui fait son œuvre. Ah bah, cet âge-là, oui. Elle l'a jamais vue pourtant, hein, mais elle s'est habituée. Ah, mais elle l'a jamais vue. Ah bah voilà. Non. Oui, mais elle te voit heureuse, donc elle accepte le truc. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais. Bah, je pense que c'est ça. Non, mais tes parents, ils vont s'habituer, Nour. Peut-être. Ils vont surtout m'éclater, en fait. Non, après l'avoir éclaté, ouais. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais il finira. Il n'aura plus de tête. Oui. Je regardais ce que vous nous disiez, là. C'est vrai que vous avez aussi des parents qui ne l'accepteraient pas. Hein. Il y a Fourneau, là, qui nous laisse un message et qui nous dit, moi, si j'annonce à ma mère que je sors avec une meuf qui a 20 ans de plus que moi, il a 17 ans, hein, qui a 20 ans de plus que moi, elle m'arrache la tête. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux rien dire. Bah, ça dépend, elle peut être copine avec, hein. Ouais. Sur la même génération. Sa pote, en fait. Tiens, mon frère est sorti avec une meuf, entre parenthèses, une cougar de 45 ans. Il l'a dit à mes parents et depuis, il ne vient plus à la maison. Ah ouais, non, mais là, c'est dur. Ouais. Ah ben moi j'ai encore une autre histoire, tiens. Vas-y Romano. J'ai le frère d'un pote, je sais pas, il avait 25 ans, il sortait avec une meuf de plus de 50 ans. Ah ouais, c'est un ouf. Ah ouais, quand même. Pourquoi pas? Il était amoureux d'elle. Ah ouais, mais ils sont restés je crois d'ailleurs qu'ils s'étaient séparés un peu, mais ils se sont remis ensemble. Mais parce qu'en fait, un jour, on va à une soirée et notre bon pote, il nous dit, ouais, bon, ne soyez pas choqués, je vous préviens, mon frère, sa meuf, elle est... il y a une vioque. T'as dû claquer de rire. Non mais je sais plus en plus comment il l'a amené, tu sais, genre, mais tu sais, je m'attendais à un truc horrible, tu vois, genre, je sais pas, là, une galère physique ou quoi. Il me fait, bon, je vous préviens, elle est un peu particulière. T'es une vioque. Et je lui dis, mais c'est quoi? Elle a quoi? Elle a un problème physique? Il me fait non, elle a, je sais plus, elle avait 52 ou 53. Ouais. Il me fait, mais elle est très sympa. Hein. Bah écoute, ça veut rien dire. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, qu'on avait passé la soirée avec elle. Tu sais, elle faisait pas non plus. Bah, moi, je vous raconte une petite histoire. Elle parlait aussi. Pas non plus comme une jeunette, tu vois, elle faisait pas la jeunette, mais ouais, elle était. Bah, encore heureux. Parce moi, j'ai un de mes meilleurs potes. Un de mes meilleurs potes qui. Bah, tu l'as connu, tu l'as rencontré d'ailleurs, Karim, cet été là. L'italien. Ah ouais. Un de mes meilleurs potes qui sort avec une cougar, mais une vraie cougar, quoi. Mais qui est super sympa. Elle est gentille, t'as allé fou. Ouais. Et en plus. Fait jeune ou pas? Quand tu la vois en maillot de bain, elle est mieux que certaines meufs qui ont 20 ans de moins. Hein. Ah ouais, putain, ouais. Donc, si t'es pas obligé de le dire à tes parents, moi je pense qu'il faut pas le dire. On aura peut-être d'autres témoignages. Ça va, tu sors pas avec un papy non plus. Le mec, il a pas 60 piges. Hein. Et donc, non, c'est sûr. Pour Adeline, c'est vrai que c'est mieux d'avoir des parents qui sont plus tranquilles, cool, pépères, tout ça. Ouais. Et si tu as vraiment trop peur d'avoir des problèmes, il y a Selim qui est d'accord pour le remplacer, ton mec. Si ça t'abranche, hein. Il a 19 ans, comme ça avec moi, il n'y aura aucun problème, j'ai le même âge que toi. Je croyais que c'était une fille, je comprenais pas. Non, Céline est un garçon. Non, mais j'avais pas compris. Voilà, encore une fois. Bon, merci Adeline en tout cas pour le témoignage, on te fait un gros bisou. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison. Et puis, Nour, comment tu vas faire? Alors, c'est pour quand le rendez-vous avec les parents? Je les vois ce week-end. Donc, tu les vois ce week-end? Ouais, ça va bien se passer. Oui. De toute façon, déjà, s'il t'amène, c'est qu'il sent à peu près le truc bien, quoi. Oui, c'est qu'il a envie de te montrer. Non, mais puis le daron, il sera fier. Hey, mon fils, il tape une jeunette. Eh ouais. Regarde-moi ça. Et pour tes parents? Après, il va regarder sa femme. Bah, ouais, bah, toi, t'es pas jeune, par contre. C'est pas pareil. Pour tes parents, tu peux commencer à préparer le terrain avec ta mère, peut-être, déjà.

This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Et 1h minuit sur Skyrock. Non mais c'est quoi cette connerie? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Y'a du brin dans le tuyau. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Bon, c'est l'heure de passer un petit coup de fil aux familles de France. C'est l'heure du double appel sur Skyrock. Ouais, ce qu'on appelle aux États-Unis le double call. Voici tout de suite les familles de ce soir. Alors, dans quelle région on va aller ce soir, Samy et Cédric, puisque vous nous avez préparé. Alors Cédric te répond dans toute la France. Non mais on va te préciser quand même. Ah oui. Là on va commencer, on va mélanger deux régions. Oui. Le 12. Et le 80, donc c'est différent. Le 12 c'est quoi? C'est Rodez, non? C'est ça, l'Aveyron. Donc les numéros que vous nous avez laissés, on les utilise. Le 80 utilise, la Somme. Et alors le 12 et le 80, c'est parti. On appelle donc deux familles en même temps, on va rien comprendre comme d'habitude. C'est deux accents différents, on devrait les reconnaître. Le but c'est de les laisser en contact toutes les deux. C'est parti, ça sonne. Ça sonne, ça sonne. On a les prénoms ou pas? Ouais, Julien et Bernard. Julien et Bernard. Allô, allô? Oui. Oui, allô? Allô, oui, je vous entends. Bah, c'est bizarre, j'entends une sonnerie aussi derrière. Allô? Ah. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, c'est qui? Pardon? C'est qui? C'est qui? Mais c'est à moi de vous le demander, monsieur. Hein? Pourquoi? Mais parce que vous téléphonez chez moi, donc je me demande qui m'appelle. Ouais. Ouais. Comme vous dites, ouais. Vous pouvez vous présenter? Parce que c'est pas vous qui avez m'appelé il y a 20 minutes. Non, je ne vous ai pas appelé il y a 20 minutes. Vous m'avez peut-être appelé, mais pas moi. C'est bizarre parce que j'appelle personne sur ce téléphone-là. Donc, Mais vous êtes qui, là, qui vous amusez? Ouais, et puis y a personne qui rigole derrière, c'est qui s'amuse aussi? Pardon? Y a personne qui rigole derrière aussi, ouais. Y a personne derrière moi, non, y a personne. Ok, d'accord. Et c'est normal que je vous vois un numéro indisponible? C'est normal que je vois un numéro disponible, non, mais qu'est-ce que vous me racontez? Indisponible, justement. Oui, je suis indisponible. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? Hors de question. Ah, voilà, vous n'avez pas de nom. Vous êtes un inconnu, vous êtes un anonyme. Exactement. Et vous vous amusez, oui, à téléphoner, voilà. Oui, bien sûr. Moi, ça me fait pas rire, écoutez. Surtout que j'ai des petits qui sont au lit, alors essayez maintenant de ne plus téléphoner. L'heure est un peu trop tardive. Je vous remercie quand même. Au revoir, monsieur. Ok, cool. Allô? Allô? Allô? Ok, cool. Ok, cool, il a dit. Allô? Ok, cool. Allô, allô? Elle est partie? Ils sont partis, les deux, là. Les ouais. deux sont partis. Rappelle-les, non? Ah, faut les rappeler. Vas-y, on les rappelle. Il faut le redire voir un coup, allô, si jamais. Allô? Eh bien, on va les rappeler, Romano. Tu veux que je dise allô? Tu vas voir. Allez, on rappelle les deux. Un peu de nerf, j'aime bien. Allô, t'es la trop drôle, les gens comprennent rien. Trop marrant pour Alex Game. Ah, vous n'avez pas de nom? Ah, moi aussi, je suis indisponible. Rien. La dame a ses règles. Elle a dit. Ah, je suis disponible. Et elle a dit merci, mort de rire, nous dit Jules. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, vous êtes le mari de la dame? Encore vous? Bah, je sais pas, j'ai un problème. Allô? Oui. J'ai un problème de téléphone, on est plusieurs sur la ligne. Allô? Oui. Oui, bah, je sais pas ce qui se passe. C'est dingue ça quand même. Allô? Allô? Ah, bah attendez, vous entendez une personne? Il y a une personne en plus? Ah bah voilà. Ah bah voilà, j'ai bien fait de faire allô moi, tiens. Bah t'as bien fait de faire. Bah Romano, refais allô pour voir. Allô. Allez, refais un petit allô. Allô. Encore, nous dit Anna là. Mais oui, on va le faire encore. Ouais. Trop fort pour Otine du 64. Oui, écoutez, j'entends du bruit déjà chez vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone n'arrête pas de sonner, mon bon monsieur. Il faudra arrêter, monsieur. Arrêtez de m'appeler. C'est vous, monsieur. Mais c'est pas moi. Écoutez. Non, moi je n'appelle pas. Malade. Vous entendez pas un téléphone qui sonne derrière? On doit être plusieurs sur la ligne. Alors. Elle est partie. Ah, ben l'autre ne décroche plus. Ouais, écoutez, on sait quelle qui décroche plus, c'est la bonne femme. Ouais, non, la bonne femme, c'est la bonne femme, c'est le mari de la. C'est le jeune qui décroche plus. Ah, ok. C'est le jeune. Le mari de la meuf. Là, c'était le mari de la meuf. Bon, allez, d'autres numéros de téléphone. Appelez, on s'en fait un petit, on a le temps. Allez vas-y, ouais. On s'en fait un petit. Alors là, on va. On change de famille. On va dans le 86, je crois, puisque. Ouais. C'est... Ça, c'est Poitiers, ça. Ouais, c'est ouais, Ben ouais. de Poitiers qui nous envoyait. Bon, dans le coin. Tout à fait. Ce que je voulais dire, Romano, avant que tu partes en couille, c'est que c'est Ben. Je sais pas si on va à Poitiers ou dans la Vienne, mais en tout cas, c'est un auditeur de Poitiers qui s'appelle Ben qui nous a laissé le numéro de téléphone. Eh ben, merci Ben. Je vous propose qu'on les teste tout de suite. Allez, c'est parti. Ouais. Que c'est parti. Allez, bonne chance les familles. Allez. Bonne chance la. Bonne chance la France. Voilà ce que j'avais à dire. Attention. Allô. Allô. Ah. Oui. Allô. Ah. Oui. Allô. Oui. Allô. Oui, allô. Allô. Allô, allô. Allô, allô. Oui, allô. Y'a quelqu'un? Oui, y'a quelqu'un. Oui, vous voulez quoi? Le tabac. Vous voulez quoi? Tu m'entends, là? Oui, ben, je vous entends. Ouais. Oui. C'est de la part de qui que la voix est très loin? Oh, bah. Ben, c'est vous qui appelez, alors, je sais pas ce que vous voulez. Ah non, vous voulez quoi? Non, je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez. Moi, je vous appelle pas, là, arrêtez. Hein. Ah bah non, désolé. Ah c'est non, non, non, c'est pas moi, c'est vous qui appelle depuis tout à l'heure. C'est vous qui appelle. Ah? Depuis tout à l'heure. Ah bah oui. Non, non, mais il y a un problème, je vous appelle pas. Hein. Bah si, depuis tout à l'heure, vous appelez, alors... Vous voulez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Je sais pas qui vous... Eh, moi, je vous appelle pas, connard. Qu'est-ce qui se passe, là? Bah, je sais pas qui vous êtes. Allô? Allô? Ah, ça y est, c'est reparti. Dis full qui allô. Non, mais j'essaie de le garder pendant ce temps. On rappelle la bonne femme et tout. Elle est super. Ça, mais ça, la voix qu'elle a. Voix de merde. Elle est partie en live d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a craqué. Ah, oui, allez, on rappelle. On y va? Vas-y. Énorme la dame pour Anthony qui est tout excité chez lui. C'est bon. On dirait Shirley de Shirley et Dino, nous dit Shaouir. C'est vrai, c'est pas faux. Attention, dis full. Prépare-toi à dire allô. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui, allô. Oh. Allô. Allô. Allô. Oh, vous vous moquez de nous, là, hein. Ça fait plusieurs fois que vous appelez, là. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu rêves, là, hein. Là, tu rêves. C'est toi qui nous appelle et tu dis que c'est nous qui vous appelle. Non, vous mais ça va pas, là. Vous êtes qui, vous? Je suis qui? Je suis une femme. Ah. Oui, mais justement, c'est vous qui m'appelez, je vous appelle pas. Ah, mais non, ça va pas, je vous dis. Eh, je connais même pas ton numéro. Comment tu veux que je t'appelle? Ben, je dois vous m'appeler un inconnu à l'instant, là. Eh, c'est à vous appeler inconnu. Inconnu, on vous connaît pas. Mais c'est vous qui m'appelez en inconnu, vous. Non, moi, je vous appelle pas. Mais écoutez, si vous êtes pas content, vous faites un réclamation auprès de France Télécom, et puis c'est tout. Moi, mais si j'appelle mon mari, ça va aller mal. Ah. Mais je vous appelle pas pour rigoler ou quoi, là? Allô, allô? Oh, c'est des conneries, ça. Non. Allô? Allô? Allez, c'est parti. Allez, ça va, raccroche. Je ne vois pas que tu es en train de se moquer ta gueule. Non. Raccroche. Mais non, on ne se moque pas. Allô? Au revoir. Ah. Au revoir. Ah. Au revoir. Eh ben, au revoir, alors, hein. Ah, elle a une voix, mais c'est incroyable. Mais comment ça se fait qu'ils m'entendent? Parce que logiquement, j'ai un micro, ils devraient pas m'entendre, les gens. Ouais, ça doit être débranché, je pense. Bah oui, logiquement. Ouais, je pense qu'il y a un problème. Bah oui, parce qu'ils m'entendent, les gens, là, quand je rigole. Enfin, quand on rigole, en général. Logiquement, bah ouais. On coupe nos micros, mais bon. Eh ben, écoutez, c'était super, ça, disons. Leslie, 22 ans, à Lyon. Bonjour, Leslie. Bonjour. Bonjour. Leslie. Alors, Leslie nous appelle de dehors. Alors, si tu nous appelles de dehors, c'est parce que tu as peur de quelque chose qui est à l'intérieur de chez toi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, elle n'ose plus rentrer chez elle. Alors, dites-nous pourquoi elle n'ose plus rentrer chez elle. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Cédric, excuse-moi. Oui, je t'ai pas salué. Voilà, je suis chez l'auditrice. C'est Leslie. Voilà, ah, c'est moi. Elle a peur de moi. T'as peur de Cédric, Leslie? Non, je l'aime trop, Cédric. Arrêtez de l'embêter. Bon, Leslie, tu as peur de rentrer chez toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a Charles, il y a une bête. Il y a Nico aussi qui nous dit il y a une araignée. Thiro qui nous dit qu'il y a une araignée chez elle. Il y a une bête pour Romano. Les araignées, ça cartonne. Hein. Sofiane qui nous dit qu'il y a une araignée. Également Anto qui vient nous envoyer un message. Il y a des souris chez elle pour

What's up with Drake? Yeah, another one. Bless up. Tous les soirs dès 21h. What the fuck? Difool est sur Skyrock. Bon alors, Gildas, toi t'as une passion qui... bon, tes parents ils sont pas trop chauds. T'es rappeur. Ouais. Tu as déjà 308 vues sur une de tes vidéos où tu rappes. Tu vas avoir plus de monde puisque t'as donné l'adresse sur Skyrock. Non mais là, depuis que j'ai donné mon nom, en une minute je crois, la vidéo elle est passée. Il y en a une qui est passée de 52 vues à 229. Pas mal. Ah bah déjà, en une minute. Ouais. Ah ouais, donc JTG officiel, c'est ça ton officiel. Mais tu rappes sur quoi comme son? Ah ben ça par contre j'essaye de trouver des instrus sur YouTube. Donc mais après, je vais essayer, YouTube, genre, après je vais essayer, il y a un pote qui va essayer avec moi de me faire mes propres instrus. Ouais, tes propres prod. Un cool. Beatmaker. Et t'as fait, faudrait que tu nous fasses écouter un truc, faudrait qu'on écoute un bout, on va écouter avec Karim. Alors c'est comment? C'est un peu brouillon je trouve. Ah c'est brouillon. Ouais, ton flow t'arrives pas trop à poser sur la musique dans le temps. Il commence aussi. Ah bah c'est bien, t'as le même talent que moi, tu n'es pas dans le rythme. T'sais, des fois je vas très vite. Mais c'est un style, hein, c'est un style. C'est un nouveau style. C'est le style prince du hip hop, voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est un peu comme le coupé décalé, tu vois, mais là t'es décalé par rapport à un truc. Décalé. Et t'as fait écouter du décalé. Ouais. À tes parents, t'as fait écouter à ta mère? Enfin, ouais, vite fait. Et alors, alors, ça, ça doit être marrant de voir la tête de la mère quand elle écoute son qu'est-ce fils en train de faire du rap. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, ta mère? Elle m'a dit, c'est pas de la musique, c'est du bruit. Ah, c'est gentil. Ah, ouais, bah ça. Elle sait te motiver dans ta passion. C'est bien. Non, mais elle essaye. Souvent, les parents disent ça. Ouais. Et tu leur as dit comment? Tu leur as dit, moi, je vais arrêter le bahut dès que j'ai 16 ans et je vais devenir rappeur? Ah non, mais eux, ils savent déjà que je vais arrêter l'école dès que j'ai 16 ans. Ah ouais. Oui, mais d'accord, mais bon, tu vas faire quoi? Parce que c'est bien de dire je suis rappeur, ouais, mais c'est pas un métier déjà. Tu vas gagner ta vie comment? Parce que bon, avec 300 vues sur YouTube. 306. T'es loin du compte. Ouais, on n'y est pas encore. Ouais, je sais. Ouais, je sais, non, mais. Parce que là, après, si t'arrêtes à 16 ans, concrètement, t'auras rien, quoi. Puis là, si tu vas enregistrer ouais, non, mais après, studio, il faudrait, que j'essaye d'aller dans les open mic et tout ça. C'est comme ça qu'il y en a pas mal qui sont. Il y en a qui ont démarré sur YouTube. Hein. Ouais. Oui, d'accord, mais ils ont pas fait 306 vues, quoi. Non. Non, elles ont fait un peu plus. Non, après, ça vient après. Non, mais oui, d'accord, ça vient après, mais quoi, et puis il y en a, ça vient jamais, hein. Oui, tu sais, il y a plein. Des fois, moi, tu sais, c'est déjà arrivé, tu traînes sur YouTube, t'entends des trucs qui sont pas mal, mais les mecs, ils ont 200 vues, et tu sais, et les pauvres, ça montera jamais. Ouais, et tu te dis, pourtant, c'est pas mal. Ouais, bah, ouais. Alors que t'as des trucs pourris qui ont des milliers de vues. Oui, mais après, il y en a qui les achètent, quoi, donc. Ah oui, c'est ça. Ça, il y a aussi du commerce de vues, ouais. Non, mais c'est bien. D'ailleurs, je me pose une question, excusez-moi, pour rétablir la vérité dans l'émission. Mais le prince du hip-hop, t'es 13 772 273 vues. C'est du real? Ça vient des États-Unis de Ah bah en tout cas c'est pas moi qui ai payé, vous me connaissez. Ah bah ouais, ça on est sûr au moins. Qu'est-ce qu'il a fait comme magouille, ce prince du 13 milliards, hein, putain, bravo. Mal, c'est impressionnant, hein. Non bah moi j'ai regardé. Ah non mais moi je comprends, hein. Impressionnant, impressionnant. Non mais c'est bien ce que tu disais de commencer à faire, tu sais, par les ateliers d'écriture, oui. Là. C'est vrai, ça c'est pas mal, ça c'est gratuit en plus. Il y en a pratiquement partout. Tu sais, souvent, t'as des rappeurs, ils vont dans des villes et font des ateliers d'écriture dans. Bah, genre Youssoupha, ouais. Ah non, mais t'as un plat qui font ça. Non, ouais. Mais sinon, ce que tu disais, là, les scènes ouvertes, les open mic. Open mic. Ça, tu peux y aller. Bon, après, faut être prêt. Faut pas non plus que tu sois. Quoi, je sais pas, moi, j'ai pas entendu ce que tu faisais, mais. Ouais, faut pas que tu sois ridicule sur scène, quoi. Ouais. Ouais, le but, c'est pas de t'afficher non plus. Ouais. Mmh. Ah, tiens, on a qui au téléphone? Il y a Nadir. Ah ouais, je vous ai demandé si vous aviez un métier. Les plus grands commençaient petits, hein. Bah ouais, bah Romano, tu commences. Tu es en train de commencer. C'est bien, tiens, Gradure a démarré sur YouTube, nous dit Samia. T'as raison. Ouais. Tiens, Nadir, toi, tu voulais faire un métier quand t'étais petit, et en fait, tu t'es retrouvé dans un autre métier, c'est ça, en fait. Ouais. Et t'as 22 ans. Salut, Nadir. Allô, comment vas-tu? Ouais, salut. Nadir de Lille. Ouais, de Lille, ça va? Ouais, bien. Et toi, bien? Nous, écoute, bien. Ça fait plaisir de vous entendre, hein. Ça fait 10 ans qu'on écoute, qu'on essaye de passer à l'antenne. Eh ben, c'est ta soirée, Nadir, t'as vu? Donc, toi, t'appelles parce que tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Moi, je voulais être GIGN. GIGN, tu voulais faire. Et quand tu l'as dit à tes parents, ils ont réagi comment, tes parents? Ouais, bah, un peu comme Marie, ils m'ont dit, ouais, c'est dangereux, ils étaient pas très très d'accord, tu vois. Ouais. Ah ouais, logique. C'est pas comme le rap, mais bon, ils étaient pas d'accord non plus. Et au final, non, c'est pareil. Qu'est-ce que t'as fait comme métier? Attention, Romano, vas-y. Au final, ils m'ont super poussé à faire des études. Ouais. Dédicace à Romano, j'ai envie de devenir banquier maintenant. Voilà. Ah ouais, un sacré changement d'orientation quand même. Et ça, tu trouves ça super. Ça rapporte plus en plus, tu vois. Non, mais t'as raison, bah écoute, ça travaille moins. Plus. Et puis c'est moins risqué. Ah ouais. Et tes parents, tes parents, au final, ils sont contents, non? Ouais, ils sont très très contents. Ouais. Très bien, on fait pas forcément le métier qu'on a envie de faire. Ah bah non. Bah déjà, faut avoir les capacités, tu vois, genre. Toi, tu voulais faire quoi déjà, GIGN? GIGN. Ouais, trop ouais. Ah ouais, putain. C'est pas la même chose que banquier, quoi. Non, mais ouais, est-ce que t'avais les capacités physiques, tout ça? Moi, je les avais eu, des capacités. Ils voulaient me prendre, GIGN. Ouais, direct. Ouais, ouais, mais finalement, du foulage de Skyrock. Ouais, voilà. Exactement, oui. Merci. Merci. Bon. Et t'es heureux en voulant devenir banquier? T'es pas déçu? Ça a rien à voir, nous dit Greg. Mais non, ouais, ça a rien à voir. Franchement, je suis heureux. Là, je suis un master, en fait. Ouais. Et ouais, c'est bien d'être en cours, en fait. Est-ce que t'as déjà dit que t'avais un peu la voix de la foule? La voix de la foule? Ah ouais? Non, mais il y a des gens du 84 qui disent ça, mais c'est vrai que quand tu parles, par moments, il y a des intonations. Vas-y, fais, c'est ça. Winnipeg. Ouais, un petit peu. C'est ça. Ouais. Bon, merci Nadir. Ouais. Eh, la fouine, on t'a reconnu. Je peux faire une dédicace. Ouais. Banquier, en fait. La fouine, en fait, il arrive en masqué dans l'émission. Ouais. Ouais. Il se fait passer pour Nadir de Lille. Vas-y, Nadir. Alors, je vais dédicacer mon père qui m'écoute en bas. Salut la famille, salut papa. Je vais dédicacer Lina la Stromfette, Malabar Bac Pro Tournevis. Bac Pro Tournevis. Et Chloé de Paris aussi. Et si j'ai un conseil à donner à Gilda, c'est ça? Ouais, ouais, vas-y. Ouais, c'est fait des études, gros. Ouais, à côté de ça, ouais. Non, mais vis ça comme une passion, tu vois, tu le fais en parallèle. Ouais, c'est ça. Regarde, quand Romano était animateur des dédicaces sur Radio SM, juste après l'émission d'accordéon, eh bien, Romano continuait ses études. Alors, on se demande pourquoi il a continué, mais il les a continués. Bah, et ça, je tiens quand même à te féliciter. Il parle bien. Non, mais sinon, de toute façon, moi, mes parents, ils m'auraient tapé. Voilà, j'aurais dit j'arrête. Parce que là, concrètement, ce qui inquiète ta famille, ouais, c'est que t'es pas de diplôme. Gilda, c'est que, ouais, en fait, tu veux arrêter à 16 ans, mais concrètement, t'as rien. Parce que bon, faire du rap, ouais, ok, mais c'est pas ça, ça va pas te donner d'argent au début, en tout cas. Ah bah oui. Tiens, regarde, ça fait 10 ans que je fais du rap, nous dit la flotteuse. Elle a, putain, t'as commencé, t'avais 7 ans. Elle a 17 ans aujourd'hui. Mes parents ont réagi comme les siens. Mettez-moi en contact avec lui s'il est ok. Ah bah, tu vois, Gilda, ça représente une copine. La flotteuse, vous allez peut-être faire un duo tous les deux. Ouais, peut-être, ouais. Là, putain, après, ils mettent vraiment du temps à être connus, hein. Ouais, puis il y en a, c'est triste, mais ils y arrivent jamais, hein. C'est pas mal, son aussi, j'ai écouté, c'est un bon début. Travaille encore, continue d'aller en cours. Regarde, le majeur dans le cul qui est toujours fidèle depuis le début de l'émission. Bonjour le major dans le cul. Quand j'étais petit, je voulais être vulcanologue, mais au final, j'ai abandonné et je travaille c'est dans le quoi, bâtiment. C'est vulcanologue, là. Les volcans. Bah, les volcans. Tu sais, tu vas voir les volcans et t'analyses les volcans, tout ça. C'est marrant. Après, bon, il a bon, fini. Faut juste faire gaffe de pas se prendre de la lave sur la gueule. C'est mieux. Exactement, parce que ouais, si tu prends de la lave sur la gueule, c'est pas super. Bon, bah écoute, continue, Gilda, si on refait de la pub pour ta chaîne, allez. Ouais. JTG officiel. Officiel. Ouais. Je peux avoir un t-shirt. Ouais, t-shirt Skyrock. Allez. Et on t'envoie ça à la maison. Tu mets dans un clip. Ouais, tu mettras la prochaine vidéo. Ouais. Ok, Gilda, raccroche pas, Gilda. Nadir, pareil, on t'envoie un t-shirt Skyrock à la maison et tu reviens quand tu veux, Nadir. Ouais. Avec plaisir. Merci à vous. Et avant dans 10 ans. Hein. Bisous. Ouais. Merci. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. What the fuck? Tout peut arriver. Et attention, petit problème technique, ne bougez surtout pas. La suite de l'émission tout de suite avec... Alors attendez, on va essayer de faire fonctionner ceci comme cela. Alors on en était où? On en était avec... Il est où Free DJ Khaled? C'est là, rappeur métier. Ah oui, bien sûr. Le son de Skyrock, c'est reparti avec, attention, dans un instant, Shai, PMW et le Super Clash. On vous prépare le Super Clash, ce sera Cédric contre Romano. Qui va le plus pécho chez les familles? Attention, bah on suit ça tout de suite sur Skyrock, bougez pas. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 € dans le Morning Daddy Fool. C'est vrai ? Mais oui ! The Morning Show ! Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Hey, Matza, une pizza à 6 € sur Domino's.fr. Trop bon, vas-y, clique ! La pizza Domino's à 6 €, c'est seulement sur Domino's.fr pendant les Digital Days jusqu'au 16 août. Valable sur pizza médium à emporter, des gammes incontournables et suprêmes. Hors pizza du moment dans les magasins participants. Kent Jones, son tube Don't Mind cartonne dans le monde entier. Kent Jones, son single Don't Mind est disponible maintenant. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs. Ou bien carrément, on change de jean. Bref.

Et à la limite, on pourrait en essayer nous deux ensemble. Par qui vous avez mon téléphone, non? Bah, dans l'annuaire, j'ai pris ton numéro comme ça. Ce soir, je galérais. Je me suis dit, tiens, je vais appeler Loïc. Et j'ai envie de faire l'amour avec lui ou avec sa femme. Donc, je voulais venir te voir. C'est possible ou pas que je me tape ta femme? Allô, Loïc. Arrête de te gratter le trou du cul quand tu te dragues. Non, c'est le dos. Il se gratte le trou du cul. Ah. Bon, Loïc, tu veux que je vienne ou pas? Oh putain. C'est quoi le bruit derrière? C'est pas le mec qui est venu une fois bricoler, non? Non, non, c'est pas moi. Mais si tu veux, je peux venir te bricoler les fesses, tiens. Ça pourrait être sympa, ça. Ce soir, je viens avec ma caisse à outils, puis je te bricolerai les fesses, et puis toi, tu me feras mal aux fesses aussi, si tu veux. Ouais, il a l'air motivé, là. Bon. Bon, Loïc, je crois que je vais te laisser, parce que t'as l'air super excité, là. Ouais, et mon poil à ta graisse, tu veux, non? Ah, quand même. Si tu me le mettrais dans les fesses, ça serait plus sympa. Tu veux essayer dans mes fesses c'est ou pas? C'est moi ton nom, c'est qui, non? Bah, je t'ai dit, c'est Michel, j'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de venir te voir. Ouais, elle est partie, donne mon numéro de téléphone. Bah, je te l'ai déjà dit, tu sais, sois pas paranoïaque, on m'a pas donné ton numéro de téléphone, je l'ai pris dans l'annuaire. Je me suis dit, tiens, un soir, je vais aller chez Loïc, il va me prêter deux capotes et puis je vais lui faire l'amour avec les capotes. Ou à la limite, je ferai l'amour avec ta femme, parce qu'elle a l'air bien sympa, elle. Ouais, tu veux pas que je sois mon 9 mm, non, ah, 9 mm. Ah, il fait que 9 mm ton truc? Non, mais je veux dire un vrai pistolet, tu vois. Ah, un pistolet extérieur. Ouais, moi aussi, j'ai un pistolet entre les jambes, si ouais, tu vois ce que je veux dire. T'as envie de goûter mon pistolet ce soir? Je te trouve à la morgue, par hasard. Bah allez, ce que je fais, c'est que je vais venir voir ta femme. C'est de plus en plus gay. Ouais, ouais. Je vais venir m'occuper de ta femme ce soir, et puis après, si tu veux, tu me feras l'amour avec ton pistolet. Voilà. Mais moi, t'es où, là? T'es pas où, déjà? Bah, dans 5 minutes, je suis là. D'accord? Bon, bah, tout de suite. Voilà. Maintenant, on va passer à la méthode de Romano. Essaye de faire mieux, quand même, tu Romano. Vas chez Élise. Bah, j'espère. Élise? Ouais. Ah merde, moi j'étais plus sur un cum. Tu sais, moi j'ai. Ah bah faut le dire avant. J'ai plus. Allô. Oui, allô. Ah bah, ah, bah ça tiens. Bien. Ça... Allô. Oui. C'est. T'es qui toi? Ouais, mais vous allez pas faire que ça l'appeler toute la soirée? Non, mais parce que j'avais rendez-vous avec Élise là pour son cours d'éducation sexuelle. Ouais, c'est qui là? Je suis son professeur d'éducation sexuelle. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc je devais passer là. Eh ben passe. Bah tu veux toi aussi prendre un cours d'éducation sexuelle? Ouais, bah viens. Ce soir la leçon c'est pour l'anus. Ouais, bah viens. Comment s'occuper bien de l'anus de son partenaire? Ouais, moi je vais m'occuper de ta femme aussi. Bah écoute, occupe-toi de moi d'abord. Ouais, pauvre merde. Voilà, bah très bien. Ça j'aime quand tu me parles comme ça. Donc je peux venir m'occuper de ta femme? Oui, bah viens. Bah j'arrive. Tu t'occuperas un peu de moi? Ouais, y'a pas de souci. Moi aussi je m'occuperai de ton petit derrière. Ouais, si tu veux, viens. Je vais bien l'écarter. Oui. Tu aimes te faire écarter l'anus? Oh là là. J'entends que tu aimes. Bon, bah j'arrive alors. Oui, bah viens. Bien, jamais de l'écarteur à anus alors. Ouais, par contre, je vais bien t'éclater ta gueule, moi, connard. Mais le cul aussi, tu peux. Ouais. Bah très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec mon cul. Je crois qu'il est parti se préparer, le mec. Ah, il est déjà prêt. T'attends. Bravo, Romano. C'est du rap. Bip, bip. Moi, je suis professeur d'éducation sexuelle. Oh là là là là là là. Et mais... moi, je te dis que t'es un petit fils de pute. Ah, oui, je sais pas qui t'es encore là. Mon gars, viens. Mais je viens, je te dis, je vais complètement. Et tu peux venir avec tes petits potes derrière. Non, non, mais viens, moi aussi. Non, il vient pas, lui. Il est trop moche. Et moi, je l'écarte pas, lui. Putain, j'aimerais bien. Non, mais laisse tomber. Bon, bah, je viens et on s'écarte mutuellement. À tout de suite, mon amour. Bisous. Allez, c'est parti, Cédric, ligne numéro 7 pour toi. Tu vas chez qui? Tu vas chez... Chez Manuel. Manuel. Manu. Allez, tu vas chez Manuel ce soir. Vas-y, Cédric. Bonne chance pour le clash. Épatez-nous tous les deux, je vous le dis de manière collective. Allez, Cédrica. Allez, Romano. Allez, Romano. Allez, Cédric. Ah, Cédric a mis 2 secondes à percuter quand même. Non, je pensais qu'il a dit le saloperie derrière. Romano, là. Allô? Allô? Allô, oui. Ouais, Manu? Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Ben bonsoir, et toi? Bah écoute, moyennement là, tu sais, j'ai un petit problème, mais justement, j'avais peut-être besoin de toi. Ou de ta femme. Je t'en prie. Bah tu sais, j'ai une petite galère sexuelle là, depuis 2-3 jours là, j'ai plus d'érection. Oh. Et je me pose des questions, donc je voulais savoir si je peux pas passer à la maison, histoire de voir si avec ta femme ça me faisait quelque chose, quoi. Ouais, bah écoute, tu veux que je te dise quelque chose? Bah j'ai envie de passer te voir. Oui. Ouais, bah écoute, je vais te dire un truc, je t'emmerde. Oh. Ah, bah j'aimerais bien faire autre chose. Oh. Ouais, d'accord. Je peux venir te voir ou pas? Bah écoute, y a pas de souci, moi je t'attends. Bah tu m'attends les bras ouverts, j'espère. Bah écoute, y a pas que les bras ouverts d'ailleurs. Ah c'est vrai? Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me faire de beau pour me donner envie? C'est bien ça, c'est intéressant ce que tu me dis là. Est-ce que tu penses que ça va me motiver? Est-ce que tu pourrais me donner ton nom? Bah je vais te donner mon petit prénom à moi. Voilà, d'accord, alors dis-moi. Moi c'est Nicolas. Nicolas. Ouais, et dans 5 minutes, je pourrais être chez t'as toi. T'as pas un autre nom à me donner? Bah non, Manu, j'arrive dans 5 minutes, tu vas me voir en réel, ça sera mieux. Non, non, mais écoute, si t'es courageux, tu pourrais me donner un petit nom. Bah je viens de te dire, Nicolas. Ouais, ouais, mais un deuxième. Bah écoute, quand je viens, je te donne tout ça. Bon, alors écoute-moi bien. Ah, j'ai envie de te faire l'amour, moi. Écoute, connard. Moi, je t'emmerde. Bah, fais-moi l'amour au moins. Oui, oui, moi, je t'emmerde. J'ai envie que tu me fasses l'amour, moi. Et t'as pas intérêt à me faire chier parce que sinon, je te fous les flics au cul. Non, mais moi, j'ai envie de te faire l'amour. Est-ce que je peux mieux te faire l'amour? Oh merde. C'est con. Attention, c'est parti pour Cédric maintenant. Tu dois draguer la personne chez Muriel. Tu dois draguer sec Muriel. Vas-y, t'inquiète. T'as une technique? Ouais, j'ai une technique. Qui déchire. Ouais, tu vas voir. Allô? Allô? Bonsoir, c'est Muriel? Oui. Comment allez-vous? C'est Cédric. Comment? C'est Cédric au téléphone, ça va? Je connais pas Cédric, moi. Ben justement, Muriel, c'était la surprise de ce soir. Ah bon? Je t'appelais parce que je suis en vacances, là, dans la région. Attends, bah, de la chance. Et il me reste 2-3 jours et je me suis dit, tiens, je vais appeler Mumu et je vais me consacrer à elle. Bien sûr. Est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre, ma belle gosse? Ouais, mais moi aussi, je peux te rencontrer, si tu veux. Ouais, bah écoute, y a pas de problème, moi, je suis open. Ouais, bon, tu dis ça parce que t'es au téléphone. Et t'es qui, toi? Et toi? Non, mais t'es un rigolo, toi, mec. T'es qui, moi? C'est Cédric, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Moi, bon. C'est Michel. Michel? Ouais. Enchanté, Michel. Oui. Ça te dirait qu'on se rencontre? Ouais, bah, aucun problème. Comme j'expliquais à ta femme, il me reste 3 jours de vacances, là, je c'est me suis pas dit... ma femme, hein. Hein? C'est pas ma femme, hein, c'est ma maîtresse. Ah, bah écoute, bah encore mieux. Ah oui, hein. Plus on est fous, plus on rit. T'as pas de chance, peut-être, toi. Bah non, mais ça me dérange pas. Tu tapes peut-être une pignole tous les soirs, non? Bah ouais, ça m'arrive. Ouais, c'est bon pour toi, quoi. Et ça dirait pas que toi et moi on fasse des choses? Attends, t'as vu la tête que t'as? Bah ouais, j'ai une belle tête. Je me trouve beau gosse. Si tu trouves des femmes pour ton téléphone, c'est que t'as pas une belle tête, mon mec, hein. Bah si, écoute, je peux t'appeler. Écoute, je m'excuse pour toi, mais bon, si la nature t'a mal faite, c'est pas de ma faute, mec, hein. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se rencontre. Ouais, parce que là, c'est facile derrière le téléphone. Ouais. Non, derrière le téléphone, c'est un peu facile. On se rencontre. Ah oui, bah, surtout toi, oui. C'est pas plus en plus. Et on verra. Ouais, ouais, bah quand tu veux, hein. On verra, parce que là, tu parles. Tu parles beaucoup, je trouve. Oui, bah. Hein? Moi, il me reste 3 jours. En 3 jours, je peux t'en faire des choses. Le belge fait draguer, le mec, il veut, hein? Se battre. En plus, c'est pas tout seul. Bah non, moi, je suis toujours un avec des potes. Un petit chien, quoi. Il te faut 2-3 mecs, apparemment. Bah écoute, t'as tout, hein, compris, t'as mon pote. Un gars, ça rigole derrière. Bah oui. T'as un peu rigolo, quoi. Nous, on s'amuse. Ah, oh oui, tu parles. T'appelles ça s'amuser, toi? Ça te dirait que toi et moi, on s'amuse? Hein? C'est les gosses de 10 ans qui font des blagues comme ça, mec. Non, mais c'est pas une blague. Je te propose de te rencontrer. Bah oui, d'accord. Écoute, si t'es chaud, je passe ce soir. Bah même ce soir. Avec tes copains, c'est pas un problème. Hein. Bah j'arrive, on arrive tous. Ouais, d'accord, tous, oui, vas-y, viens. Non, tu vas tout seul. Ouais, j'y vais pas moi non plus. Hein. Bah si. Et sur mon invité. Viens avec tes copains. Non, on est juste passé, hein, non, on faisait rien du tout. Bah je viens tout seul, ils sont pas chauds. On a rien à voir avec ces mecs. Viens, même avec tes copains, c'est pas un problème. Bah je m'occuperai de toi. On le raquette. Ok, d'accord, je t'attends. Je te fais un gros bisou. D'accord, moi aussi. Bisous, mon chéri. Ouais, à tout de suite. À tout de suite, j'arrive. Vous allez faire quoi ensemble? Vous allez faire quoi ensemble exactement? Je sais pas, peut-être lui faire le cul, si vous. Est-ce que tu veux lui faire le cul? Bah oui, peut-être. D'accord, ok. Ça te va? Ouais, moi ça me va. Okay. Je pourrais te le faire, le tien? Vas-y, viens tout de suite. Ah bah j'arrive. D'accord. À tout de suite. Waouh. Et ça déchire. Ouais, ça déchire grave. À tout de suite. Ouais, prépare-toi, fais-toi belle. Fais-lui une bise. Bisous. À tout de suite. Ton petit cul, hein. Ah bah là, il est déjà prêt. Et voilà, prépare ton petit cul. Allez, je t'embrasse, mon cœur. À tout de suite, j'arrive. D'accord. Prépare-toi. Waouh. Allez, c'est bon. T'es content? C'est sérieux. Ah ouais, c'est géré. Il est content, hein? J'arrive. Top ce soir, Cédric Pourmiche. Romano, vite à toi. Ah bah j'attends, moi. On passe à Romano. Emmanuel. Merci. Il s'appelle Emmanuel. Allô? Allô? Allô? Ouais, Emmanuel? Ouais? Ouais, comment tu vas? Oula. C'est qui? C'est un copain de ta femme, elle est là. Copain de ta femme? Elle est. Allô, tu m'entends, Manu? Ouais. Manu, qu'est-ce que tu fous avec ton téléphone là? Faut pas habiter à côté, lui. Parce que... Bah moi, c'est rare, au téléphone de toi, tu viens le connaître. Ouais, non, mais attends, j'arrive chez toi dans 5 minutes là. Manu! Ouais! On arrive! J'arrive chez toi! De venir, je suis parti dormir! Non, mais je vais coucher avec ta femme, moi! Je vais l'habiller en Mère Noël sexy! Oh là, l'état dans lequel il était. Oh putain, ouais. Il était à 20 grammes. Ouais. Rappelle-le pour voir, c'est moi qui prends l'appel. Juste pour qu'on le rappelle. Ouais, mais il n'y a pas de serrage, donc vas-y, tranquille. Juste pour voir dans quel état il est. Il s'appelle donc Manu. Manu, ouais. Et, Manu, et a priori, il ne faut pas être son voisin. Ah, non, sacré sono, hein. Manu mur, le gars. Ouais! Allô, petite ambiance, le quartier. Oh le bordel. Oui. Bon, alors, vas-y, ouais, rappelle-le, ça. Oh, putain. Ouais. Et rappelle. Il a éclaté son téléphone. Tu crois qu'il a éclaté son téléphone? Ça ne sonne pas. Ah, vas-y, bon, on a fait notre tour de clash de la drague, c'est bon, on peut faire un appel au vote. Qu'est-ce que t'en penses, Romano? Ah, c'est bon. Hein? Bah attends, ça sonne. Allô? Manu? Ouais! Ouais, donc je vais arriver chez toi là, je vais habiller ta femme en Mère Noël et après je lui fais l'amour. Eh, mais c'est pas toi qui devais parler là. Manu! Putain, mais qu'est-ce qui branle? Rappelle-le. Bordel dans la baraque. Non, protestation, ça veut dire quoi? Ça va pas, c'est toi qui dois parler? C'est moi qui prends. Qui parle. Tout le monde demande, m'appeler Manu. Tout le monde parle, oh, vas-y, fais pas chier, c'est l'ambiance. Ah, vas-y, moi aussi, je vais parler alors. Casseur de délire, lui. Ouais, c'est ça. T'as cassé le Delman. J'ai racassé du tout. T'inquiète, on fera un deuxième tour. Non, pas besoin de faire de deuxième tour. J'autorise un deuxième tour. Non, moi, je veux pas de deuxième tour. Vas-y, bah, tu voulais parler, donc tu vas parler. Allô. C'est qui? Ah, ma belle, comment ça va? Bah ça va moins bien quand elle te parle. Allô, Manu. Ah, chérie. Y'a pas de chérie qui compte, hein. Je connais pas, moi. Ah bah je t'amène un costume de Mère Noël. Ah, y'a pas de chérie. C'est ça, je suis parti au lit, la porte est fermée, on peut nous embêter. Ah bah je vais rentrer dans ton lit. Allô. Bon, C'est bien parce que, en tout cas, ils se sont trouvés avec son mari parce qu'il y a l'urlot en plus. Attends, on comprend rien, ce qu'il faut pas chier, fermer la porte à clé, mais dans le lit. Et on donne la ligne numéro 7 à Cédric qui va donc tester sa nouvelle, toute nouvelle méthode. Puisque Vincent. Aujourd'hui, allez. Cédric, après avoir ouvert divers magasins, ouvre un bar. Allô, Vincent? Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Ouais, c'est qui, là? Bah, je me présente, je m'appelle Michel. Et en fait, je viens d'ouvrir un bar. Enfin, ouais. Je vais ouvrir un bar là dans pas longtemps et je voulais venir à la maison pour prendre un petit verre avec toi et puis t'inviter prochainement dans le bar, quoi. Ouais, mais enfin, ça me dit pas t'es qui, quoi. Bah justement, on va faire connaissance. Enfin, moi, j'ai déjà croisé ta femme 2-3 fois. Je la trouvais très charmante d'ailleurs, donc bah à la limite, on aurait pu faire connaissance ce soir. Ouais, mais viens, passe. Ouais, ok, ouais, ta femme, elle est là. Ouais, vas-y, viens. Bah dis-lui qu'elle se fasse belle là, parce que franchement, moi, j'avais trouvé un petit peu sexy la dernière fois, puis une fois qu'on aura bu un petit verre, peut-être qu'on pourra se lâcher, non? Ouais, vas-y, viens, pas de soucis, viens, approche. Ouais, tu penses qu'on pourra faire un petit truc ensemble? Ouais, viens, casse pas ta tête. Parce qu'on m'avait dit qu'elle était un peu open, ta femme, elle était ouverte. Ouais, viens, moi aussi, je suis vachement open, viens. Ah, t'es open? Est-ce que tu vas me faire l'amour? Parce que moi, j'ai envie de faire l'amour ce soir. Ouais, viens, moi, je vais te niquer, moi. Ah viens. Bah, écoute, pas de soucis, bah, je prépare mes petites fesses. Ouais, viens, je vais te niquer comme jamais t'as été niqué, moi, fils de pute. Tu vas me faire mal aux fesses? Ouais, viens. Dis à ta femme qu'elle se prépare, j'arrive. Ouais, mais viens, connard, moi je t'attends, je suis déjà devant la porte là, vas-y, viens. Prépare-toi, j'arrive, mon chéri, à tout de suite. Ouais, bisous. Viens, je suis déjà devant la porte, moi, fils de pute, je t'attends, viens. Je suis là dans 2 minutes, tu sais. Ouais, vas-y, viens. Bon, bah, j'arrive, bisous. Viens, je vais te niquer comme jamais t'as été niqué, ton cul. Oh oui, c'est bon ça. Ouais, vas-y, j'arrive, viens. Mon chéri, je prépare. Ouais, vas-y, viens, bougnoule de merde. Je viens en courant. Viens, bougnoule de merde, viens. Ouais, t'as l'air sympa, toi. Ah, t'es sympa comme ça. Viens, je vais te niquer comme jamais t'as été niqué, fils de pute. Vas-y, viens. Fais-moi l'amour et après je te ferai l'amour, moi aussi. Ouais, viens, fils de pute, viens, ça tombe. Je vais te faire transpirer un peu. Ouais, viens. Bon, ben, j'arrive. Je suis là dans 2 minutes. Viens, fils de pute, que je te défonce ta race, viens. Bon, ben, j'arrive dans 2 minutes, mon chéri, à tout de suite. Ok, viens, t'attends tout de suite, allez. À tout de suite. Oh mais les violons, ce sont des saxophones. Oui, il y a un peu de tout là. Les dans violons le saxophonisés jouent l'ode à l'amour. Oui. Comme cette personne était. Elle était un. Était sympathique. Ah, elle veut faire l'amour. Ah, vraiment. Non, il veut te défoncer la gueule. Non, le cul. Bon, on passe à Romano maintenant. Allez. Bon, Cédric, en tout cas, belle embrouille. Un petit serrage. Belle embrouille. Bon. Merci, et un serrage aussi. Ouais. Bah, reconnais, gros. Non, mais t'es un mytho, gros. Il bah, va te faire enculer, tu dis, oh là, ils vont m'enculer. Bah, comme toi dans l'appel d'avant, gros. Ah, mais non, mais moi, à un moment, il m'a dit d'aller me faire enculer, moi. Il a pas voulu, justement. Allô? Oui, bonsoir. Patrice. Oui. C'est la femme à Patrice? Oui, bonsoir, est-ce que Patrice est disponible? Pardon. Et c'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. Jean-Louis comment? Jean-Louis David. Jean-Louis David. Mmh. Je pense que vous faites une erreur. Ah non, mais pas du tout. Vous connaissez un Jean-Louis David? Ben oui, il me connaît évidemment. Non, c'est pas ça. Je pense que vous faites une erreur parce que il a un homonyme à Maubeuge. Non, mais c'est lui. Que vous faites erreur sur la. Non, mais moi, il faudrait que je lui parle, c'est très urgent. Non, mais bon, vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire. Mais je m'en fous, je veux lui parler, moi. Il y a un autre Patrice Baron. Non, mais parce que je dois venir à la maison, moi, là. Ouais, bon, allez, c'est bon. Ouais, oh, tu te calmes. Belle embrouille, bravo. Bravo, oh. Vas-y, moi, je demande un rappel sur elle. Allez, Romano, on est tous avec toi, et Serge, Karine, Latina, Romano. Romano. Allô? Oui, allô? Oui, Patrice? Écoutez, c'est qui? Eh, c'est Jean-Louis à l'appareil, c'est le dentiste. Ta femme m'avait promis qu'elle me sucerait la dernière fois qu'elle est venue au cabinet. Je peux passer à la maison? Elle a promis qu'elle me sucerait. Elle est contente. Elle était contente. Elle est contente. Ah merde, ça a coupé. Non, elle est là. Allô? Non, mais bah attends, vous foutez de la gueule de qui, là? Mais moi, je vais venir dans 5 minutes, là. Ah, j'arrive, la bite à la main, moi. Non, mais c'est pas grave. Ah, je peux venir. Non, bah, allez, vas-y, vas-y, parle. Allez, vas-y. Patrice, vas-y, il m'a dit. Vas-y, continue, vas-y. Mais, ah, bah, ça t'excite. Parce que t'appelles en secret, mais t'inquiète pas, j'ai ton numéro. Ah, bah, c'est bien. Bah, de toute façon, tu vas me voir en face, puisque je serai là dans les 5 minutes. Patrice m'a dit qu'il était OK, lui. Ouais, ouais. Et qu'un peu. Et bah, tu vas voir. Et ma main dans ta gueule, tu vas la voir aussi. Ah, tu veux pas me la mettre sur les fesses? Fesse-moi. Je suis très vilaine. Oh, il est vilaine. Oh, il est vilaine. La famille était contente. Ouais, ouais, ouais. Ça fait plaisir. Tous les soirs, viens toi aussi rejoindre la plus grande radio libre de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, la radio libre de l'été, tous les soirs dès 21h10, foulé sur Skyrock, on se refait les meilleurs moments de la plus grande radio libre de France avec un auditeur qu'on va retrouver tout de suite. Il s'agit de Thomas de Bordeaux, il est cocu par sa meuf et il hésite à pardonner. Il demande ses conseils à Difool et toute l'équipe, écoutez. Yo, yo. Et puis Thomas, alors toi Thomas, c'est plus le love. Et tu voulais nous poser une question. T'as été cocu, hein, Thomas, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, je rappelle, ça, c'est pas gay. T'as 19 ans, t'es à Bordeaux, t'es déjà dans ton camion. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, je voulais savoir s'il y a moyen, enfin, je sais pas comment expliquer, mais savoir si tu peux pardonner à quelqu'un, si cette personne-là va pas le refaire, c'est ou, chaud, tu vois. Ah, alors, ben, c'est intéressant comme question, ce que tu poses. Ah, c'est parce chaud. Que tout le monde peut faire une erreur dans sa vie. Ouais, bah, attends, ça s'est passé mais comment, voilà. Toi, déjà? Mais est-ce que l'erreur, on la pardonne? Ouais, comment ça s'est passé? Bah, en fait, si tu veux, c'était, donc, on avait pris un appart ensemble et tout. Oui. Et elle bossait pas, et moi j'étais j'étais sur la route, hein. Moi je me tapais des heures de fou. Et tu partais toute la semaine? Non, je partais pas toute la semaine, non, je bossais, je rentrais tous les soirs, quoi, mais quand je rentrais, j'avais la journée des 10-11 heures de boulot sur le dos, donc voilà. Ah, donc tu baisais pas? Bah, je baisais, mais je veux dire, après je m'endormais, quoi. Oui. Ça, c'est pas énormément de temps avec elle. Oui, il fallait dormir un peu, oui. Ah, un peu, ouais. Et alors? Et en fait, si tu veux, un jour, elle a été voir une pote à elle à Saint-Etienne, elle est partie en covoiturage. Très beau choix, très belle voilà, ville, ouais. Très bel voyage de tourisme pour les vacances, Marie, tout à fait. Ouais, c'est ça. Saint-Etienne. Et la tête de Romano. Saint-Etienne, tout le monde descend. Ouais, ça, tout le monde descend, ouais. Et tout le monde remonte vite dans sa voiture après. Pour se barrer. Donc elle file à Saint-Etienne. Et en fait, elle m'a trompé avec le mec du covoiturage, quoi. Ah, t'as comblé avec le mec du covoiturage. Ah bah dis donc, c'est vraiment le cas de le dire, la payeur naturelle. Mais ouais. Et tu l'as su comment? Elle te l'a dit? Elle a culpabilisé peut-être. Il y a mis une évaluation sur le site. En fait, je l'ai su parce qu'un jour je suis rentré du taf, elle avait laissé son ordi ouvert, j'ai regardé une conversation avec sa meilleure amie et puis je l'ai vu, quoi. Elle te l'a même pas dit, tu l'as découvert. Ah, elle le disait à son meilleur ami en fait. Elle l'a dit à sa meilleure amie, ouais. Mais elle lui a dit genre en mode je suis dégoûté, j'ai qu'un avec un autre, ou genre ah je l'ai trompé l'autre, il m'a bien baisé. En mode elle était contente, quoi, pas en mode elle regrette. Oh putain, merde. Ah, ça, non. Oh putain, mais t'es une merde dingue. Moi, je vote, hop, fini. Ouais, parce que la confiance. Non, parce qu'elle se fout de ta gueule. Non, mais surtout. Ouais, et en plus, elle se fout de ta gueule. Ouais, alors, était là. Ouais, putain, je sais pas ce qui m'est arrivé. Déjà, t'as du mal à pardonner, mais bon, tu peux te dire, elle culpabilise. Là, elle se fout de ta gueule. Ouais, en plus, oui, d'après le message, tu nous as dit, ouais, la meuf, elle est toute fière, quoi. Ouais, je me suis fait sauter. D'ailleurs, ouais, elle était limite fière, quoi. Ouais, ouais, voilà. bah, la meuf, laisse tomber. Mais comment ça s'est passé quand t'as vu ça? Tu l'as foutu dehors? Vous êtes engueulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben quand j'ai vu ça, j'ai fait un déménagement express et je suis retourné chez mes parents, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je me suis barré direct. Ok, et aujourd'hui tu voudrais retourner avec elle? Bah, je sais pas, parce que fait, si tu veux, elle m'envoie des messages, elle me parle et tout, enfin elle veut revenir avec moi, elle me le fait comprendre plus ou moins. Ouais, et tu t'as pardonné? Ouais, je sais pas pardonner, on va dire, mais je suis resté dans le bon terme. Alors une question... T'as resté dans le bon terme. Une question d'ordre financier. Pourquoi? Non mais attends. Vas-y. Parce que là t'habitais avec la meuf là. Pourquoi mélanger? Non, je suis retourné chez mes parents. Ouais, mais là, avant de retourner chez tes parents, t'habitais où? Vous habitiez ensemble avec ta meuf? Ouais. Ouais. Qui payait le loyer? C'était moi. Ah bah voilà, tu m'étonnes qu'elle veut que tu reviennes. Ah tu crois que c'est ça? Oh bah attends, on en a vu d'autres, hein. Non mais ouais. Je me disais pourquoi il pose une question de financier alors qu'on est en train de parler d'amour. Non et mais c'est justement, bon, bah, tiens, il y a des meufs, laisse tomber, elles sont malines. Hein. Ouais, des meufs et des mecs d'ailleurs. Possible, mais t'es resté combien de temps? Ah bah la meuf, elle... si elle arrive pas à payer le loyer toute seule, ça l'arrange bien que tu reviennes. Hein. En plus, elle sait qu'avec tes horaires, si éventuellement elle a envie de se faire ressauter le poids. Ouais, petit covoiturage. Un petit covoiturage sympa. Elle file sur Blablacar. Tiens, ça... je vais aller faire elle. Ah ouais, c'est ça en plus, c'est le covoiturage confiance, tu vois. Ah ouais, confiance. Blablacar, pour elle, c'est comme Smax. Ouais, moi je voulais savoir, ça faisait combien de temps là que vous étiez ensemble? Ah, ça faisait 2 ans. Ah ouais, 2 ans. Et là, ça fait combien de temps que ça arrivait cette histoire là? Ça arrivait décembre dernier. Là. Mais ça allait, oui. Votre couple, ça allait ou ça partait un peu en couille? Bah ça allait, on pense à... Non mais bon, oui, j'imagine vous engueuliez de temps en temps, bon, comme, comme, comme les couples, quoi. Mais oui, voilà, comme, ouais, comme tout le monde. Ouais, vous étiez pas dans une période de crise de couple, quoi. Non, non, non. Ah ouais, pas donc, de raison majeure. Ouais, en plus, tu vois, la meuf, elle a été se faire niquer une fois par un mec. Quoi, non, j'espère moi, je qu'une pourrais fois. Pas, moi. Pardonnez. Alors, ah, bah, vous non plus. Ouais, mais marrant, c'est que je les ai revus après. Je les ai revus, quoi, 15 jours après. Je les ai recroisés. Ah, ils étaient ensemble. Dans Bordeaux, en plus, hein, complètement. Ah, parce qu'elle est restée avec le mec, en plus. Ah, bah, ah oui, attends. Hey. Ah ouais, après, elle est restée avec le mec, quoi. Le mec, il a une super voiture. Attends, il va, ça te tienne. Elle veut que tu reviennes. Il y a le loyer à payer, dis donc. Par contre, elle garde le mec, hein, pendant la voiture. Bah ouais, tu sais, ça, c'est. Ah, mais j'ai pas le plus avec, c'est ça, tu vois. Non, mais en plus, c'est pour ça qu'elle est ouvertement, elle se fout de ta gueule. Salope. Qui c'est qui nous envoie salope? Oui, il y en a plein des salopes. Bonjour à Berk qui nous laisse un message. Il y a Gouinou qui dit la connasse. Bonjour Gouinou. Nicolas est en ligne avec nous, il veut réagir, on va le prendre. Allô Nico. Alors Nico, qu'est-ce que tu pensais de l'histoire de Thomas, toi? Est-ce que tu pardonnerais ou pas? Est-ce que t'as déjà été cocu comme ça, toi? Alors, ouais, j'ai vécu à peu près la même chose, pas en covoite. Mais c'est donc ma meuf avec qui je suis resté 2 ans et demi. Elle est partie avec sa meilleure amie là sur Bordeaux. Ouais. Et du coup elles sont sorties et tout. Et après j'ai grillé pareil dans le téléphone qu'il s'était passé un truc avec un mec. Ah ouais, donc elle est partie avec sa meilleure amie, mais il y avait aussi un gars, ouais, en plus. Ça tu savais pas ça. Ben non, c'est un mec qu'elle a rencontré là-bas, je pense. Ah ouais. Faut pas qu'elles partent de loin de la maison, les filles, là. Parce que, on a eu Thomas de Bordeaux. Donc, Thomas de Bordeaux, elle est par à Saint-Etienne, elle se fait sauter en covoiturage. Pas mal. Non, mais elle a chaud au cul, quand même. Toi, il y a un périmètre à respecter. Ouais, je pense, hein. Il doit y avoir un truc, oui, un périmètre. comme diraient nos amis misogynes, il faut pas que la laisse soit trop longue. Oh non, arrête tes conneries. N'importe quoi. non, mais elle a chaud au cul, quand même. Ouais, bah, les deux, elles ont chaud au cul. Et toi, t'as pardonné, Nico, ou pas? Ouais, j'ai pardonné la première fois. Putain, t'as pardonné. À la première fois. Ouais, c'était au bout de 3, ouais, je sais pas, 3-4 mois. Mais t'étais pas tombé sur des messages? Ah putain, l'autre, j'ai pris pour un con. Ouais, et, genre. Non, en fait, la première fois, les messages que j'ai vus, elle regrettait un peu, en fait. Ouais, donc c'est pas pareil. Voilà, elle regrettait un peu. Même donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait des petites allusions, voir si elle avouait ou pas. Au final, elle a fini par craquer. Et je sais pas, peut-être 2 mois après, elle a recommencé. Mais bon, là, c'était des messages genre. Avec le mec, c'était vraiment chaud, quoi. Elle était, ouais. Et du coup, c'est elle qui te l'a avoué. In love. Putain, ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. C'est elle qui te l'a avoué ou c'est toi qui l'as découvert? Ah, encore une fois, c'est moi qui l'ai découvert. D'accord, ok. Ouais, mais avant que tu découvres la deuxième fois, t'étais pas un peu parano? Ouais, si, un petit peu. Ah bah, y a parce quoi, que tu me dis dingue. Un peu, t'étais dans ta paranoïa, comme notre ami. C'est ça, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ça. Alors. Confiance. Bon, moi, je te dis. Que nous disent les messages, Romano, sur les écrans? Ah bah sur les écrans ça dit de la dégager. Hein. J'ai les mêmes aussi, moi aussi. Ouais, c'est clair. Ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est dehors. Je crois que le truc qui a fait tout basculer, c'est l'histoire du message qu'elle envoyait où la meuf elle se fout ouvertement de ta gueule. Ça c'est. Ouais, voilà, ouais. C'est marrant hein, Thomas que tu nous appelles pour ça parce que pour nous ça paraît évident, puis même pour tous les auditeurs parce que je vois les messages, à part 2-3 messages où on MDR, moi je lui donnerai un peu plus d'argent pour qu'elle revienne à la maison. Ah, MDR. À part les messages pour rigoler, tout le monde la fout dehors. Mais c'est marrant que toi tu te poses encore la question, c'est qu'il te doit avoir encore quelque chose pour elle. Ouais, c'est parce qu'en 2 ans, on a fait beaucoup de trucs ensemble, j'ai réussi à la sortir de ses merdes, tu vois, prenait des médicaments, des drogues, des trucs comme ça, j'ai réussi à la sortir de ses merdes, tu vois. Ouais, donc tu te dis. J'ai fait beaucoup de trucs pour elle et puis on a vécu des bons moments. Puis, c'est dur ce qui était quelqu'un. Voilà. Non, mais c'est. Non, mais 2 ans, oui, en plus, c'est quand même pas. C'est pas 2 mois, quoi. Bon, donc Thomas, elle s'est réglée, hein, je pense. Oui, et en plus, et en plus, toi, Thomas, avec le message, ça prouve qu'elle n'a aucun remords. Puis aucun respect, ouais. Ouais, aucun remords, aucun respect. Non, ouais, non. C'est qu'un jour ou l'autre, la meuf, elle va se dire, tiens, bon, je l'ai pris pour un coup une fois, ça a marché, je vais y retourner. Hein. Ouais, bon, exactement. Pardonnerais-tu une personne qui t'a trompé? On n'a même pas dit avec le message et tout ça. Hein. La réponse, 82% non. Non, ah bah voilà. Il y en a quand même 18%, oui. Ça, c'est ceux qui sont très amoureux actuellement. Ouais, ou qui l'ont fait. Celles qui sont très amoureuses et... Ouais, mais attends, justement, t'es très amoureux, c'est l'enfer. Ouais, mais t'es prêt à pardonner par amour, Marie. Ah ouais, ouais, bah surtout pas. Eh oui. Bon, bah Thomas, bah bon courage à toi. Et puis t'as bien trouvé d'autres meufs depuis que tu t'es séparé d'elle, non? Ah non. Ah, des plans par-ci par-là, mais rien de... Bon, c'est pas grave, tu t'amuses, profite, t'as 19 ans, t'as le temps. Non, mais t'es un peu dans la nostalgie Ça fait combien de temps, là, que tu t'es barré de la barre? Depuis décembre. Depuis décembre, ouais. Bon, bon courage, Thomas. Merci en tout cas pour les messages que vous avez laissés. Nico, toi aussi, t'as retrouvé une meuf, tout va bien maintenant? Ouais, maintenant, nickel. Bah, je suis un peu parano quand même, mais. Oui, bah, vaut mieux parfois. Hein. Mais pas trop. Ah, bah là, ouais. Ouais, sont pas parano non plus, oui. Oui. Salut Nico et Kid Pant, on va le t-shirt Skyrock à la maison. Thomas, même chose et tenez-nous au courant, rappelez-nous quand vous voulez.

I think I lost my patience last night. I got high as the expectations last night. I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately, you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectation. Last night, I came to a realization. And I hope you could take it. I hope you could take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. Gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from the friendship. I wanna get the late night message from you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Dans un instant, il arrive, il sera là. C'est Amaré. Amaré, vous savez, c'est celui qui nous envoie des petites vidéos. Il est en pleine forme. Hein. Que Romano regarde. C'est le train. Ou quoi, je regarde, on les regarde tous ensemble. Et ouais. C'est une bonne soirée, c'est sur le signe du love. Le tringleur fou, quoi. Oui, c'est ça. Amaré, marié. Niqueur fou. Et niqueur fou, c'est ça le problème. Bon, casseur de lit. Et sa femme n'est pas au courant. Et casseur de lit c'est aussi. C'est vrai, ouais, exact. Croiseur de lit. C'est vrai, ouais. Donc, une nouvelle vidéo pour ce soir à Marais. Ouais. Et un témoignage pour nos amis routiers qui nous écoutent. Si vous êtes routier, prévenez tous vos potes pour qu'ils écoutent ce soir. Ou alors, si vous avez envie d'être routier, écoutez bien dans un instant. Attention, attention. Routier, c'est dangereux quand on est amoureux. Ah ouais. Ça va à Marais sinon? Ouais, tranquille, et vous l'équipe? Ça va. Toujours la pêche, hein. Ah, oui. Nickel. Toujours la pêche. Je précise, je suis de l'équipe de Cédric, hein. Ah, merci, mon pote. Enculé. Merci, ma gueule. C'est bien comme ça que tu t'appelles, enculé. Mais non, c'est Amaré. Je vais t'enculer. Fais gaffe, quand il va venir, il va s'occuper de toi, mon pote, tu vas voir. Ouais, non, je t'aime bien, mais je suis pour Cédric, dommage. Ouais, ça arrive de ne pas avoir de goût, hein, j'écoute. Ah, du coup, j'en ai, tu peux voir les vidéos. Ah, c'est vrai que t'as du goût quand même. Oui, ça va. Oh ouais, moi je me suis bien branlé sur ton cul, Amaré. Cédric, tu t'es branlé sur le cul. Non, pas sur ton cul. Ah ouais, t'as une belle raie. Ouais, mais les vidéos, franchement, il assure bien, tu vois. Ah ouais, donc tu t'es branlé sur le cul d'Amaré, d'accord. Sur son cul. Ah, tu dis, il assure bien. Mais tu sais, on voit les meufs. Tu parles pas des meufs, tu dis. Il assure bien. T'as le droit, hein, Cédric. C'est non, non, mais pas du tout. T'entends ça, Amaré? Ah ouais, tu me fais kiffer, Amaré. Ah bah trop, ouais. T'es content, t'es excité, Amaré, de savoir que Cédric n'en peut plus. J'ai le gland humide. C'était pas le nombre de mecs qui m'ont vu tringler leur femme devant et qui n'arrêtaient pas de me mater. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans la même pièce. Parce qu'au début, Amaré, des coupes condonistes, en fait. T'as le mec qui est là, en train de me regarder, en train de faire quoi, de la démonter. Ouais, bah moi, Amaré, je crois surtout, parce qu'au début, on te croyait pas, Amaré, quand tu nous as appelé, que tu disais que t'arrêtais pas de niquer oui, tout ça. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, depuis qu'on a vu les vidéos. Ah bah oui. On confirme, on vous le dit, je le jure. C'est bien toi, ouais. Amaré, vraiment, respect. Et ça y va, ouais. Et il va fort. Ça y défouraille, le mec. Ça y va. Je suis pas étonné qu'il y ait un mec qui se branle en train de regarder sa meuf se faire baiser par un autre. Normal. Dans la même pièce. Ben voyons. Tout peut arriver. Écoute, ça existe. Ben ouais, non, mais on te croit. Alors, Amaré, passons maintenant à notre séance de visionnage. Ah oui, oui. C'est l'heure de retrouver la nouvelle vidéo. 2% de batterie là. Ah bah faut se dépêcher là. Ah bah alors Amaré, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah Amaré. Ah désolé, c'était pas prévu. Le niqueur fou. Alors ouais, le niqueur fou, ouais. Amaré nous a envoyé des nouvelles vidéos là. Oui. Dans un hôtel classe. Alors c'est quoi cet hôtel dans lequel t'as ramené la meuf donc? C'est toujours le même hôtel. Attends, c'est lequel? C'est le Ibis Budget. Mais ils savent à l'hôtel que tu tu vas jouer. Ah, mais vu comment elle gueule, ouais, ils sont obligés de savoir. Ah, ils sont au courant. Non, mais en plus t'arrives avec une nouvelle à chaque fois. Le jour où Amaré arrive, ils fournissent des boules caisses à tous les clients. C'est pas la même. Oui, alors c'est... D'ailleurs, il y a un témoignage que tu voulais faire pour les routiers qui nous écoutent ou ceux qui ont des routiers dans la famille. Bah, je suis désolé pour eux, mais bon, si vous vous éloignez trop de la maison, forcément... Amaré est dans quoi? Elles peuvent s'organiser, elles peuvent préparer le truc, et si elles ont envie, bah voilà quoi. Elles vont regarder sur Viva Street ou sur Wannon, et voilà, et Amaré est dans le coin, le pilonneur est là. C'est ça. Ami routier, pendant la semaine, votre femme se fait niquer par Amaré. Il est partout. Donc sur les sites, en fait, elles sont toutes seules toute la semaine, elles traînent un peu là-dessus, et toi tu vas les baiser après. Ah ouais, mais des fois, c'est simple. En général, le matin, quand c'est tôt le matin, c'est les femmes seules, et après ça, vers 17h, c'est les couples qui m'appellent. Là, c'est souvent comme ça. Putain, il y a un emploi du temps, quoi. Il y a un standard, quoi. Ah ouais, elles ont envoyé les gosses à l'école, 9h, elles commencent déjà à m'appeler. Et bim, elles se font déglinguer. 17h, c'est les couples. Ils ont terminé le boulot, ils se rejoignent, allez, on va appeler. Oh, il y a telle annonce qui est intéressante, on va l'appeler. Ah, t'as fait des études sociologiques sur les rencontres sur les réseaux, c'est bien, Marie. Mais là, t'en as. C'est pas moi, hein. C'est une constatation. Ah, statistique. Non, mais c'est bien. Mais Amaré, là, t'en as niqué dernièrement, là, des nouvelles? Bah ouais, celle qui nous a envoyé. Ah ouais, celle-là, celle que je vous ai envoyée, c'est une nouvelle. Je me suis tapé deux fois la semaine dernière. D'accord, et tu lui as dit que tu filmais, bon, ça lui a pas posé de problème si on voit pas sa tête. Bah, vous l'entendez à la fin, elle dit coupe la caméra, j'ai envie de te sucer à l'enjeu. Voilà, coupe la caméra, j'ai envie de te sucer à l'enjeu. Et moi, j'avais une question. Là, il y a le son, là, si vous voulez. Un peu. Vas-y, balance. Donc ça c'est Amaré lors de sa dernière rencontre. Vas-y. Ah oui. Oh, c'est quoi ça? Des fessées. Tu mets des calottes, mon pote. Mais tu voulais les taquer ou quoi? En tout cas, on sent qu'elle prend du plaisir avec toi, Amaré. Ouh. T'emmerdes pas. Ah. Ah oui, bah elle a l'air contente. Amaré aussi, t'as l'air content, non? Grave. Et Romano explique, il est en train de l'apprendre comment là. Bah en fait la meuf elle est quoi? Elle est sur le côté, c'est ça? Ouais, sur le côté. Sur le côté, Amaré il est à genoux derrière et il la pilonne quoi. Ouais, de temps en temps je mets des fessées, de temps en temps je tire les cheveux, je mets des claques de temps en temps. Ah ouais, là c'est. Oh putain. Alors il y a plein de filles qui protestent, qui nous disent mais il n'a pas honte, mais les filles elles sont d'accord hein. Elles sont totalement consentantes, même pour la vidéo. Et elles en redemandent en plus après derrière. Hein. En une journée t'as niqué combien de meufs différentes? Ah. C'est quoi ton max? En quoi? En une journée. Parce que tu parlais du matin, de l'après-midi, tout ça. Une journée, une fois dans la même chambre d'hôtel, je me suis tapé deux filles. Mais la deuxième, je l'ai ramenée, elle a vu le chambre. Le lit était fait, elle s'est même pas posé de questions, elle s'est allongée, on est reparti dedans. Ah, et puis c'est dégueulasse, c'est les draps de la meuf qui est venue après. Ouais. L'autre, là, j'avais pilonné pendant 2 heures, juste après, je m'en tape une autre. Dans la même semaine, j'ai fait deux fois. Oui. Dans la même semaine, j'ai fait deux fois, j'ai eu trois filles différentes. Et voilà, c'est Amaré, c'est lui. Prends un abonnement à l'hôtel, là, si tu as toujours au même. Mais ils vont te faire des tarifs. Hein. Pourquoi tu... Et le pire, c'est que souvent, c'est les mêmes hôtels à chaque fois. Ah oui, c'est vrai, ils connaissent. Oh putain, la loutre. Là, ça baisse un peu. Là. Va à la fin quand elle dit le truc là. Va à la fin. C'est bien, on entend bien en plus. Ouais. Bah ouais. Samsung. Bravo Samsung. Et c'est ça. Là, elle suce. Ah bah là. Ouf. Là, elle suce avec le bruit. Ah. Ah, Amaré, on te met un doigt. Non, c'est lui. Je ah, pardon, excuse-moi. Mets des doigts. Moi, j'ai pas les images. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de voir? Bah oui, nous, on voit pas. Parce que Romano et Karim, ils sont à fond dessus. Ouais, hein. C'est ça, ouais. Ils sont contents. Grosse. Elle parle comme la maman de ce. Si tu te fessais, allez hop. Mais tu lui tires les cheveux, quoi. Je vois bien, là. Oh là là, les gifles! Oh là là. C'est les gifles sur les fesses! C'est une fessée, hein! C'est une fessée, ça, ouais! Ah, c'est les fesses, je crois que c'était ça! Ah, mais elle kiffe! Ah, bah, elle a l'air contente, hein! Ah, ça! Ah, c'est content, Amaré! Amaré est fier de lui, ouais! Qu'est-ce que t'as dit là, Amaré? Tu lui dis quoi? Pas! Elle m'a appelé plus, mais je sais qu'elle m'a dit dès que j'ai mon appart, faut qu'on passe pas dans mon appart! Ah, d'accord! Bon bah c'est, écoute, Amara, et toi ça t'excite d'être filmé ou pas? Un petit bisou quand même. Ça change rien, moi j'étais pour vous. Ah, oh, c'est gentil. Ah, pour Skyrock. Ah, merci gros. C'est sympa. Non mais sérieux, hein, sérieux, c'était pour vous dire voilà quoi, je m'étonne pas quoi. Oui oui, c'est vrai parce qu'on avait des doutes au début, on s'est dit c'est non, pas mais possible. C'est vrai, ouais, la première fois où on t'a eu, c'est pour vous dire à Marie, on voit du lourd quoi. À Marie, on prend un carton quoi. Ah ouais. Marie, elle est fort. Marie champion. Et pour vous dire voilà quoi, je les traite comme des princesses et je les baise comme des reines. Voilà. Ah, c'est beau, quelle belle c'est phrase. C'est beau. Je veux un bip bip. Ouais. Quand je vous ai dit qu'il était romantique à Marais, hein, on est dans le romantisme absolu. Dis-vous, t'as pas tout vu. Hein. Sur le chat de Skyrock, je reçois des photos, mais carrément, c'est quoi d'auditrice, c'est quoi qui carrément dénudé maintenant. Voilà, t'as reçu ma photo. Ah ouais, je t'ai envoyé mon sexe. Sur le chat, il y a des filles qui m'ont reconnu, des mecs, il y a des filles qui m'ont fait des propositions. Hein. Ah ouais, mais bon. Elle va goûter à Marie, quoi. Non, mais bon. J'ai pas perdu mon temps, là. Je l'ai même optimisé, là. Comment on dit? Il y a de quoi faire. Il y a des mecs, là, ils m'ont reconnu. Alors, on n'a qu'une vie, il faut savoir en profiter. Ouais, ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Eh, big up à ta femme, en tout cas. Ah ouais, putain, ta femme. Par contre, JL. JL, c'est le routier tout à l'heure avec sa meuf qui lui a fait cocu. Fais gaffe, Amara, elle peut passer par là. Là, c'est sûr, hein, vu le profil de la demoiselle, c'est le genre de fille que je rencontre régulièrement. Hein. Ah bah ouais, non mais. Ça, faut ouvrir les yeux. Non mais c'est vrai, non mais t'as pas tort. JL, il est en train de se faire couillonner, le pauvre. Ah ouais. Ouais, c'est d'accord. Voilà. Ah oui. Oula, toi, madame. Ah oui. Je kiffe ce mec, il est énorme, Amara, nous dit Audrey, 28 ans, qui est morte de rire cette fois qu'il top. Il y a Kev qui veut, c'est pas le seul d'ailleurs, mais Kev entre autres, qui veut un site pour mater les vidéos. Ah non, c'est en privé, c'est seulement sur Skyrock. Hein. Eh ouais. Ah bah, à l'occasion, je passerai avec un avion de chasse dans les studios. Pas de problème. Viens nous voir avec une de tes chéries. Fais gaffe, hein. Elle, la meuf, là, on voit pas son visage, mais elle a le cul à Kim Kardashian un peu, non? Elle est tombée, quoi. Ça se voit. Elle est super bien faite, mais elle a le cul à Nicki Minaj. Non, mais elle a l'air bonne, métisse, tu vois, bien, elle a une belle peau et tout, mais elle a le cul bien tombé, quand même. Et elle voulait pas être filmée, c'est-à-dire son visage. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui a une place de malade, quoi. Elle D'accord. rencontre régulièrement des ministres. Elle rencontre régulièrement des personnes, c'est quoi, haut placées. Ah oui, elle a même déjà couché avec des footballeurs professionnels. Oh bah ça. De Lille, hein, carrément. De Lille. Et pas des moindres. Bon, je vais pas balancer le nom, mais ça joue. Joué à Lille. Non, balance pas. À Lille, à Valenciennes, ouais, il y en a beaucoup. Voilà, bah, on va pas en dire plus. Et à Roubaix. Ah, oui. Il avait 2%. Ah, mais il avait 2%. Ah, oui, je pense que la batterie, elle est bouffée. Hein. Juste avant la révélation, je voulais faire un jeu, le footballeur mystère. On prend pas le footballeur mystère. Ah, vous trouverez pas, mais moi, j'ai pas trouvé. T'as cherché? Ouais, il m'a donné des indices, j'ai pas trouvé. Pas trouvé le footballeur. Il m'a dit, c'est pas une star. Une immense star. Non, c'est pas un international. Non, bon, bah, écoutez. Et ben voilà, c'était les la nouvelle d'Amaré et son conseil pour les routiers. Attention à mes routiers. Qu'est-ce qu'il y a? Ah pardon. Attention à vos routiers. Je me dis, il y a quelqu'un qui est en train d'entrer dans le studio. Pas du tout. C'est Amaré qui rentre dans sa copine. C'est ça, ouais. Ça vous excite de vous filmer? Tiens, dites-nous si vous êtes déjà filmé en train de faire l'amour. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? 10 foulées sur Skyrock. 10 foulées sur Skyrock, radio libre jusqu'à minuit, tous les soirs de la semaine. Entre 21h et minuit, on se refait le meilleur de 10 foules sur Skyrock. Attention, on va retrouver David. Si vous étiez à l'écoute de l'émission lundi, c'est-à-dire avant-hier, on a découvert David Dunord, le recordman de selfie avec des stars. Il débarque dans le studio avec toute l'équipe. On va découvrir qui sont les stars les plus sympas en vrai et ceux qui se la pètent. Tout ça juste après Ken Jones et Don't Mind sur Skyrock. Hola. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that you say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Tous les soirs, 21h. What the Difool est sur Skyrock. Et on salue David qui est venu nous voir, David du nord de la France qu'on avait eu dans l'émission. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est le gars qui fait plein de selfies. C'est le record, t'es record man des selfies mille, du monde. Non, je crois. Non, pas du monde quand même. De France. Ouais, mais pas mets-toi là. Ouais. Ah bah, il s'installe, il t'a piqué ton. Vas-y, mais non, mais c'est bon. Je t'ai roux là. Je tout permis. Bon. Salut à toi. Donc, record, peut-être pas du monde, mais sûrement dans mon coin. Eh. Dans, non, le nord. Ah, dans le nord. Ah, dans le nord. Dans le nord. Vous avez entendu l'accent dans mon coin. Dans le nord. Il est venu nous parler des gars qui avaient fait des selfies avec toi, ceux qui avaient été sympas, ceux qui avaient été moins sympas. Oui, voilà, c'est ça, les gentils. Les moins gentils. On a été comment? On est gentils. Oui, vous êtes gentils. Il en a fait une photo de groupe, j'ai mettrai sur Twitter. Oh, c'est mignon. Ils sont super gentils. Merci David. Merci. Écoute, bienvenue à toi. Il y a Cédric, en plus, il y a des cadeaux pour toi là. Ah, t'inquiète. Ah, merci, c'est et puis, si tu vas, Cédric. Hein. Et puis, reste dans le coin, tu restes combien de temps à Paris? Oui, là, je dors ce soir et je repars demain soir. Ah, bah écoute, reste dans je vais laisser mon siège aussi. Ouais, il y a Samir qui fout dehors. J'ai déjà piqué son siège. Tu veux un petit café? Est-ce que vous faites des selfies avec des stars? Est-ce qu'il y a une star avec laquelle vous aimeriez vraiment, vraiment faire un selfie, vous vous retrouver sur la même photo? Ah ouais. Un truc classe, je sais pas. Qui donc? Romano, tu m'as dit que tu aimerais faire un selfie avec Susan Boyle. Ouais, elle est trop bonne. Il la kiffe. Pour te la péter auprès de tes potes. Ah ouais, grave. T'as jamais fait de selfie? Non, mais elle, tu vois, j'en ferais bien un pour délirer, non, tu vois. Dire, j'ai posé avec Susan. Moi, j'aime bien Barack Obama. Ah, c'est ouais, vrai, ouais, j'avoue, ça c'est vrai que ah ouais, c'est clair. Un selfie avec Barack Obama. Ça, ça pète. Lui, ça peut être cool, tu vois, il est détente. C'est la classe. Je trouve que ça pète. Je le ferai avec le roi du Maroc, moi. Le roi du Maroc. Tu sais que j'ai un pote à moi, il l'a croisé sur les champs, il a fait une photo normale. Ah putain, là. Qui, le roi du Maroc? Ouais, ouais. C'est mon rêve de le voir, quoi. Une photo. Il se balade en survêt. Non, mais c'est lui qui conduit. Allez. Ok, Karim Benzema nous dit Faris Benzema. Bonjour Faris Benzema. Moi avec Squeezie pour DJ Fresh. Lewis Hamilton, le champion de Formule 1. Voilà, ça défile. Attendez, je vais dire ton pseudo quand même. Bah moi j'en ai un, c'est le fait avec Squeezie. C'est ouais. John Caronel. Et Romano, il l'a fait avec Squeezie. Moi c'était Snoop et je l'ai. Ah bah tu vois, Eminem Show, lui il aimerait faire. Bah évidemment avec Eminem pour Eminem Show. Ouais. T'as vu qui aujourd'hui, nous demande Charles Villeneuve, David. Alors ce matin j'ai fait un petit tour à RTL et Europa. Facile, donc, désolé, voilà, je n'ai pas peur. Concurrent. C'est non, bah, ouais, t'es obligé de te taper. Bon bah, tu t'en vas tout de suite, des patates. Donc tu es là, RTL. Bah, voilà, tu as vu tour qui, radio RTL. Ce matin j'ai vu. Philippe Bouvard. Ah non, on le voit plus, lui. Non, on le voit plus. J'ai fait Guillaume de Tonquédec. C'est qui ça? C'est celui qui joue dans Fais pas ci, fais pas ça. Ah d'accord. Voilà. Et l'acteur. J'ai vu aussi à l'émission d'Arthur qui passe vendredi, okay. D'où je viens. Et j'ai vu aussi comment il s'appelle A priori c'est grosse star. un chroniqueur, quelquefois il vient un vendredi, tout est permis. Je sais plus du tout. Devant RTL. Des photos avec des gens. Tu sais même pas qui c'est. En fait, Eric Dussard, pardon, Eric Dussard, voilà, c'est venu. D'accord. Donc j'ai fait avec lui. J'ai fait un petit tour devant le studio Gabriel où Drucker y tourne. Donc l'invité principal c'est Chimène Badi. J'ai fait Virginie Efira. Jean Dujardin aujourd'hui. Ah, Jean Dujardin, bien, ouais. Mais t'as fait combien aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, j'en ai une bonne dizaine et demain. Mais en fait, t'es venu exprès à Paris pour ça. Oui, voilà, c'est toujours. Et je me suis dit, je vais passer vous dire coucou. Ah, bah coucou, c'est alors. Ah, c'est bien, tu es au niveau de Jean Dujardin, ça va. Ouais, ouais. Et après, l'émission d'Arthur que j'ai assisté, donc qui passe vendredi. T'as fait un selfie avec Arthur? Non, là, Arthur, non, mais je vais déjà. Mais là, je devais l'attendre encore des heures et comme vous m'attendiez. Je suis venu. Arthur, il préfère venir ici. Mais je l'ai dit, Arthur. Et après, on sait pas s'il était de bonne humeur ou pas, ça se peut qu'ils m'ont renvoyé chier. C'est bonne ambiance son émission, dis donc. Il est un peu lunatique, on va dire. Ah, d'accord, ok. Mais j'ai déjà en photo. Ouais. Mais pourquoi, non, mais pourquoi un jour pourquoi, tu t'embrouilles avec lui? Non, mais une fois sur le plateau, il est un peu stressé et tout. Mais il est lunatique, on va dire. Et ils font chier. Range ton téléphone, sinon je te piétine. En sortant des 20 ans des enfants de la télé, il a fait tout le monde. Il est sorti, il a dit vous restez calme, vous faites la queue le long, on va dire. Et je fais les photos avec tout le monde. Voilà, prenez un ticket. C'est 10 balles la photo. Donc là, on vous faites bien la queue, vous payez. On a invité à l'émission d'Arthur, j'ai fait Ryan Bensetti en photo. Ouais. Et Artus. Voilà. Et après, je suis parti. Okay. Artus, non, Artus, c'est un humoriste. Non, pas Arthur. Mais est-ce que t'as fait un selfie avec Chimène Badi ou pas? Chimène Badi, ouais, j'ai déjà. Ouais, t'as dit la fait aujourd'hui, mais je rappelle que t'as combien de mille selfies? Acteur, comédien, footballeur, chanteur, animateur radio. Et en footballeur, t'as qui? Déjà, footballeur, j'ai le PSG, j'ai l'OM, j'ai. T'as Zidane, par exemple? Non, Zidane, non, j'ai pas. J'aimerais bien. Comment? Ah, vous l'avez, ouais, j'avais vu la photo. J'ai Cavani, j'ai Batuidi, à l'OM, j'ai Gignac, pas presque toute l'équipe, j'avais eu. Et après les joueurs du LOS, hein, comme je les vois souvent. Alors, ils ont joué contre Paris, malheureusement ils ont perdu. Oui. Ils avaient pris le TGV donc pour Paris et je l'avais fait à la gare, j'avais une info. Ok. Next one, on dit non, je l'ai pas. Alors j'ai attendu derrière lui pour une salle, pour le voir. Et il a calculé personne, il était en retard, il dit désolé. C'est Nawal. Il paraît dormir dans un hôtel pourri. Nawal, elle a une étoile ou deux. Un faux potin. Ça fait tout. Bon bah écoute, merci de ta visite. Alors. De rien, merci encore David. À vous et à bientôt. Et ben on continue de mater ton. Et puis tu continues de nous appeler, n'hésite pas. Ah bah si, quand t'as des stars, n'hésite pas. Si t'as des super selfies. Si un jour t'es avec une star et que tu es en train de faire un selfie, appelle-nous qu'on le passe en direct. On fait ça, David. D'accord, eh ben merci Nordiste, c'est merci vrai. David. Au revoir, salut, bientôt. Ah, salut ma Miloute. Alors Céline, elle a une petite particularité parce que Céline a changé de sexe. C'est ça. Alors je sais pas si c'est Céline fille au début est devenue garçon ou Céline garçon au début est devenue fille. On va la prendre dans un instant, Céline. Voilà. Tu restes, on va lui dire bonjour quand même, elle est dans le coin. Bonjour Céline. Salut Céline. Oui, bonjour. Bonjour. Salut. Alors on saura dans un instant si t'étais un garçon au début et que t'as décidé de devenir une fille ou si t'étais une fille au début et que t'as décidé de devenir un garçon. Ou les deux. Ou alors si non, je suis né avec les deux, donc un micropénis et un vagin. C'est quand même le double avantage. Ah ouais, t'étais hermaphrodite comme on dit. Voilà, hermaphrodite, voilà. Et en fait, mais t'es né avec les deux. Voilà. Ah ouais. Mes parents ont voulu pas m'opérer et donc voilà, donc en fait je suis resté avec les deux jusqu'à mes 20 ans. Ouais, Céline. Tout droit. Et il y a pas que moi qui est maladroit. Moi aussi j'ai fait une grosse connerie quand j'étais un peu plus jeune. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai fait rentrer bourré d'un anniversaire. Ouais. Et ma mère, elle avait fait un gratin, un petit gratin avec... Un gratin dauphinois. Non, un gratin, en fait, comment ça s'appelle, c'était un gratin, je sais pas. Un gratin. Céline vient de Lille, hein, je vous dis. Un gratin au maroilles, Et en fait, voilà, et en fait, j'ai oublié que ma mère mettait la graisse à frites dans le four. Ah, la friteuse, ouais, dans le four. Ouais. Ah ouais. Voilà, donc en fait, j'ai allumé le four et je suis parti avec mes amis et ma mère m'a appelé en disant qu'il y avait le feu dans la maison. Cuisine. A pris feu. Ah ouais, la cuisine a pris feu. Sympa, bravo. C'est moi, j'ai jamais fait. Si, j'ai foutu le feu à ma cuisine aussi, ça m'est arrivé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Un jour, je voulais faire du linge. Et en plus, mon père avait monté peut-être 6 mois avant la cuisine aménagée. Ah bah écoute, ça a dû lui faire plaisir. Il était toute neuve, il devait être content. Alors Céline, garçon, fille, enfin c'est compliqué Céline, hein, parce que t'étais garçon, non t'étais fille, t'es devenu garçon. Non, t'étais les deux. On sait pas. T'étais hermaphrodite, oui. Ouais, t'avais un micro-pénis et un vagin. Et tu es devenue fille maintenant. Oui, c'est ça, oui. C'est bien, bah, donc te garde Céline, tu bouges pas, tu vas nous expliquer comment ça se passe. La voix, pour être honnête, c'est pas encore le top. Ouais, je suis d'accord. Non, un petit changement s'impose. Non mais c'est vrai qu'on a l'impression quand on te parle, t'es un garçon. Ouais. Non mais la fois ne changera pas, bah, je vais vous envoyer des photos faites hier. Vas-y, on voit. Mais attends, une question à la con. Parce que vu que t'avais les deux sexes quand t'étais enfant, tes parents ils t'appelaient comment, hein, avec un prénom de garçon ou de fille? Bah Teddy, c'était Mix en fait. D'accord. C'était quoi ton prénom? Mais tes parents ils savaient qu'il y avait un problème. Teddy. Teddy, Teddy, c'était Mix en fait. C'est donc en fait ils m'ont laissé le choix de me faire opérer, donc

connais maintenant, je parle. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. Tous les soirs, radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Elle est blonde. Ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts et travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Bonsoir, Pamela. Oui, rebonsoir d'ailleurs, je suis déjà venu. Je suis sotte, mais je suis une femme. Mais oui. Eh oh, tu vas te détendre. Et ça, tout le monde le sait. Mais bien sûr. Cédric, t'as des potes, toi, qui étaient déjà allé voir des travelots, tu nous avais raconté. Ouais. Allez, raconte à la. Non, en fait, j'ai parti avec. En fait, on est parti avec un pote, tu vois, de bas de Boulogne. L'artiste, quand tu vas repartir, tu vas avoir une image différente de Cédric. Quand t'es rentré. Non, mais surtout qu'il part avec lui. Non, en fait, on se baladait sur Paris. Mon pote, tu me dis quoi, on va faire un tour au bois pour rigoler, tu vois. On y va, et lui, il va, il fait, ah, il y a une meuf, elle est bonne. Et nous, on voit, c'est un travail, on fait, c'est pas possible. Il y va, il me dit, ouais, je te jure, il est parti là-bas. Attends, je vais y aller avant pour voir si c'est vraiment une femme. Donc, attends, il y va, il nique, donc il nique avec le travelot, il ressort, il fait, putain, elle avait une chatte trop bonne et tout. Nous, on dit, arrête, poteau, c'est pas possible. Il jurait sur la vie de sa mère, c'était une femme. Mmh. Et qu'il a niqué une femme. Ouais, et alors qu'elle avait une grosse bite. Ah bah, j'ai pas vu si elle avait une grosse bite. Bah moi, pareil, cas, hein, j'avais été avec deux potes. Et alors? Et il y en avait un, il avait envie de se faire sucer, tu vois. Donc il s'est dit, bon bah, comme là, Romano veut pas, je vais aller voir un travelot. Et le mec, pareil, on va là-bas, tu sais, il y a des travelots qui arrivent, mais c'est opéré, quoi, donc trans. Ouais, les seins, tu sais, elle lui fait tâter le sein, le mec, il nous dit, ouais, j'y vais, tu sais, avec mon pote, on le regarde, on lui fait, mais non, mais c'est un cum. Il me fait, non, c'est une femme, je suis sûr. Ah, pareil, mon pote, j'y vais, je vais me faire sucer. Il est allé se faire sucer, bon, tu sais, il l'a pas touché ni rien, on est revenu, mais on lui a dit, tu t'es fait sucer par un mec. Oui. Et il dit, non, il me fait, c'était une femme, bon, on l'a laissé croire, hein, ça l'a rendu heureux. Oui, ouais, c'est quand t'as lui-même, ouais. Ouais, mais tu sais, il se persuadait lui-même, ça se voyait, tu vois. Les gens qui arrivent, déjà, des gars que toi, c'est arrivé, non? En fait, on était en voiture. Ah, toi? Ah, tu t'es fait sucer par un mec? Non, on était quatre dans la voiture. Ouais. Moi, j'étais derrière. Bois de Boulogne aussi? Non, j'étais beaucoup plus jeune que ça. Mm-hmm. Et c'était une des premières fois qu'on sortait en voiture. Et on arrive à Place Clichy, on connaissait pas trop le délire. Aïe. Donc, on arrive, mon pote, il va pour draguer une fille, mais Eva Longoria, quoi. Ouais, belle. Le corps tout, magnifique, franchement. Genre, on voyait pas. Il s'approche, il parle. Et comme mon pote, il est un peu virulent comme ça, ouais, il est chaud comme ça, il la prend un peu direct. Hmm. Et ben d'un coup là, la voix elle est sortie. Ouais, oh t'es super beau gosse. Il a levé sa robe noire. Il avait une robe noire courte en fait. Oh, regarde la bille. Il y a son bangala qui est sorti. On a tous mis un coup de première, on s'est enfui. Mais genre, on était les quatre traumatisés toute la soirée. On se regardait, genre on se parlait. C'est ça, ouais, vous avez plus parlé. Genre, depuis de la soirée, vous avez plus dragué quoi. Non, fini, vous avez même plus parlé à la fin. Au revoir, messieurs, dames. Salut. Et là, tu fais péter la première et tu te barres, ouais. Ah ouais. Alors que moi, je suis complètement femme. Alors oui, justement, Pamela n'est pas un travesti, je tiens à le préciser. Ah non, je travaille dans la mode, je suis modéliste. Bah oui. Ça y est, on en a. Allô? Allô? Allô? Répondeur. Ah oui, répondeur, ouais. Ah, je me suis fait baiser. Ah ouais, tu t'es fait baiser, mais en beauté. Bravo, Pamela. Ah bah, clairement. Quel bourrique. Alors, on y retourne. Donc, on a Daniel, on a l'homme qui recherche une femme âgée. Faudra nous dire, hein, si tu l'as, lui, parce qu'il faudrait que Pamela se vieillisse un peu. Vous savez, c'est l'autre, là, qui a 52 ans, qui recherche une femme bien mûre, de 50, 60 et plus. Ouais. Avec des yeux. Sans limite, lui, hein. Oui, avec des yeux de 90B. C'est ça. On va appeler, c'est l'autre. Il y a Daniel, il y a Laurent, et l'autre qui a pas de prénom aussi, et celui qui a pas laissé son numéro. Voilà, donc celui-ci on ne l'appellera pas, je tiens quand même à vous l'annoncer. Celui qui n'a pas laissé son numéro, désolé. C'est plus compliqué, oui. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Oui, c'est pour quoi faire? Eh bien, écoute, c'est pour quoi faire. J'ai envie de jouir ce soir. Oh. Oui, mais comment vous avez mon numéro de téléphone? Eh bien, je l'ai trouvé sur le réseau. Voilà, je l'ai passé il y a longtemps, hein. Mmh. Ah bah non, mais moi je l'ai réentendu là. Ah mais je ne doute pas, mais je l'ai passé il y a très longtemps. Ah. Il y a très très longtemps. Ah, ça te dérange pas si je me caresse au son de ta voix? Non mais je suis en double appel là, en plus. Ouais, non mais je m'en fous, allez reste avec non, moi. Non mais essaie de me rappeler d'ici un quart d'heure, je suis en double appel. Allez, je te reprends. Ouais, il est en train de se branler. Allô? Et allô? Allô? Ah merde. Donc en effet, il était vraiment en double appel. Mais il t'a dit rappel dans un quart d'heure. Oui. Bah t'es pas y passé la nuit non plus. T'as moi j'ai une vie quoi. Vas-y Pamela, reste. Si le mec il dit d'appeler à 3h du matin, le gars est bien. On reste jusqu'à 3h du matin. Bah ouais. Bah ouais. Le froid du téléphone, Pamela, parce qu'elle paraît avec moi, elle m'a dit. Tu vois, on parlait de ce qu'il y avait des les trucs à faire ce week-end. Et eh ben, tu vois, t'as un truc à faire ce week-end, tu passes ton week-end. Non, il n'y a pas de problème, hein, je veux bien rester, mais bon, Pierre Bélanger, il va falloir passer à la caisse. Non, mais est-ce que c'est mieux de passer un week-end avec lui ou comme Marie-Noël qui nous a laissé un message, voir la famille, les amis? Bah, je préfère voir la famille et les amis quand même. Oui, moi aussi. Même si on est tous amis, mais. Ou un week-end carnaval pour Clarisse. Là. Ça, ça doit être marrant, ça. Week-end carnaval? Ouais, je sais pas, moi j'irais jamais. Ah, moi, avec les membres de l'équipe, j'ai l'impression que c'est carnaval tous les soirs ici. Non, mais j'irais. Carnaval? Non, non, non. Quoi, bah, j'ai fait, c'est quand j'étais à l'école, mais jamais fait genre carnaval de Nice ou de Dunkerque ou. Tiens, Samir, lui, c'est week-end play. Mais il y en a plein qui vont faire un week-end play. Vous allez me dire, avec le temps qu'il fait, vu le temps de merde, ce sera un week-end play pour. Pour Samir. Bon, on essaye d'en appeler d'autres, hein. Vas-y, on laisse tomber lui. Bah, de toute façon, il a dit rappeler dans un quart d'heure. Oh, si on est encore là, on en rappellera. Et ce qui est marrant, vous avez entendu, à aucun moment le mec s'est dit, mais. Silence, Ami, vas-y, ouais. Appelle Didier. Elle a une voix bizarre quand même, Pamela, mais pas du tout. Hein. Sinon, on se fait une petite scène avec Didier et Maryse, et puis voilà. Si tu veux. Ah bah ouais, ouais. Bah, et quoi, il faut qu'il soit joignable aussi, lui. Parce que... Bah écoutez, si vous. Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Pamela, l'appareil. Oui, Pamela, ouais, voilà, avec un nom de mec, ouais, voilà, c'est bien. Qu'est-ce que t'as un problème, toi? Ouais, toi, t'en as un, toi, sinon? Ouais, bah ouais, j'en ai un, bah ouais. Ouais, c'est quoi? Vas-y, dis. Bah, tu veux que je vienne te trouver? Ouais, vas-y, viens. Ouais, je vais m'occuper de ton cas. Ouais, viens, direct. Toi, allez, vas-y, viens. Toi, t'as une voix à te faire doigter l'anus, toi. Allez, viens, tête de con, viens. Vas-y, je vais m'énerver, viens. Connard, va. Vas-y, tu parles autrement, tête de mort. Connard, va. Comment tu parles à ma copine? Tu parles autrement? Parle meilleur, va. Connard, bah vas-y, parle-moi. Ah bah vas-y, ouais. C'est toi qui, de toute façon, c'est toi qui paye le téléphone. Vas-y, parle. Bah, je m'en fous, je le paye pas, c'est gratos. Allez, vas-y, parle, vas-y. Vas-y, tu veux pas te branler. Qu'est-ce que t'as envie de dire? J'ai envie que tu te masturbes, moi. Ah ouais, je vais me masturber, t'as raison. Allez, masturbe-toi. Tu crois que moi, je suis comme toi? Tu crois que je suis comme ça? Hein? T'es comme ça, le pauvre petit con, c'est ça, un sale petit connard, là. Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta petite gueule? Maintenant tu viens chez moi, je te défonce ta gueule, je la réduis en miettes. Alors vas-y, viens maintenant. Ah mais viens. Défonce-moi plutôt le cul. Hein? Je vais te défoncer le cul, je vais te défoncer ta gueule, ouais, surtout connard. Allez, dégage. Oh, pourquoi tant de violence? Bon, on va prendre Céline au téléphone avec nous. T'es toujours là, Céline? Oui, je suis toujours là, oui. Toujours là. Alors Céline, au départ, tu t'appelais Teddy. Oui. Mais de toute façon, t'es obligé d'être identifié garçon ou fille dans quand on te déclare, bah, non? Du sexe masculin, oui. Donc mon père, il voulait que je reste masculin. C'est pour ça qu'il ne me parle plus aujourd'hui. Vas-y, parle bien dans ce téléphone parce qu'on t'entend quand même super, super mal. C'est juste parce que en fait, mon père voulait que je reste féminin, masculin. Ouais. Et ma mère féminin. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas opéré. Mais bon, j'ai du sexe masculin. Et il y a 6 ans maintenant, je suis passé au sexe féminin. Donc, non, mais ça y est, tu t'es fait opérer là. Oui, opéré. Bah, ils t'ont coupé le petit zizi. T'as plus de zizi. Un petit putain, il n'a plus. Plus du tout. Mais toi, tu préfères avoir eu le choix, c'est-à-dire à tes 18 ans, avoir eu le choix de choisir garçon ou fille et que tes parents t'aient laissé comme ça? Ou alors t'aurais préféré qu'ils t'opèrent plus tôt pour éviter tous les problèmes que t'as peut-être connus quand t'étais au bahut, tout ça, non? Bah ouais, il y a eu beaucoup, j'ai été beaucoup répliqué. Ouais. Mais quand t'allais au bahut, par exemple, t'es habillé en garçon? Non, les deux. Ah ouais, donc forcément, comment ils réagissaient, les deux? Un jour en jupe, Marie, un jour en jupe. Je partais en garçon de chez moi. Et tu te changeais après? Et je me changeais après dans une voiture à une amie ou chez une amie, et j'arrivais en fille à l'école. Toi, depuis tout petit, tu te sentais fille? Oui. Et genre, à la puberté, t'as eu les seins qui poussaient ou tu t'es fait opérer pour avoir des seins? Pas du tout. En fait, j'ai pas ça du tout, en fait, et j'en veux pas parce que c'est pas beau. Mais t'as les caractéristiques d'un homme. Bon, tous les hommes sont pas poilus, mais est-ce que t'as des. T'as de la barbe un peu? T'as des poils comme un homme, de la barbe, tout ça? Franchement, ça pousse presque pas du tout. Sans mentir, ça pousse. Allez, moi, j'ai obligé de me raser. T'es plutôt un berbe, en fait. Tu portes les cheveux longs? Bah, j'ai envoyé 2 photos sur. C'est toi? J'ai pas vu, pardon. Ah oui, putain, je me dis, mais c'est qui cette jeune fille? Ah ouais, c'est toi? Tu t'appelles LK, c'est ça? Eh ben, c'est Céline. Mais là, t'as des seins. Maintenant, t'as des seins. C'est peut-être pas toi, là. Est-ce que c'est LK ton pseudo? Non, non. Ah, c'est pas toi. Ah, attends, on va te chercher parce qu'on reçoit plein de photos. C'est logique. Allez, on va rembobiner, on va te retrouver là. Donc. Ah, ton pseudo, c'est quoi? C'est Céline? Oui, c'est Céline, oui. D'accord, et moi, okay. J'ai une question. Quand tu nais avec les deux sexes, ça se passe comment au niveau de la sexualité? Enfin, t'es gay, t'es hétéro, t'es quoi? Bah compliqué. Non, en fait, enfin, on peut pas dire. On peut pas dire qu'on est gay parce que. Parce que tu te sens pas. On sait pas. Ouais, voilà. On sait pas en fait de quel sexe on est, donc. Mais toi, t'es attiré en étant un ado, par exemple. T'es attiré par les garçons ou par les filles? Les deux. Ouais. Par les deux. Ah oui. Donc t'étais bi, au moins ça on peut le dire. Et t'es sorti avec les deux? Oui. Et tu pouvais avoir des relations sexuelles que de femmes? Non, pas de mecs, ouais. Non, que de femmes. Pourquoi? Parce que ton zizi, il marchait pas, quoi. Ton il marchait pas, c'était un bout de chair qui pendait, quoi. Voilà. Mais ouais. Alors, putain, j'ai plein de questions. Vas-y, Samy. Mais tu faisais pipi par le. Connais-tu Pamela, vous, si vous avez plein de questions, hein, par ton messages. Sexe de femme ou de garçon, bah, ou tu pouvais choisir? En fait, je vais vous expliquer. Le. Chez une femme, c'est soit en fait vous avez le vagin. Ouais. Ou après, c'est le clito qui se forme en pénis. C'est ça, ouais. Et toi, ton clitoris, il s'est formé trop en pénis. Voilà, un peu plus gros que la moyenne. En fait, c'est la transformation qui s'est arrêtée en plein milieu pour toi. Voilà. D'accord, je sais pas que c'est. Un clitoris, c'est ça en fait. Hein. C'est un petit zizi. C'est une mini bite. Voilà, quand vous lécherez la chatte de votre meuf, vrai, vous y penserez. Ah ben voilà. Donc en fait, tu faisais pipi par ton sexe de femme, quoi. Ouais, donc oui, bah oui. Ouais, donc c'est vrai que tu as plus de caractéristiques féminines que masculines. Ouais. Autrement, tu ferais pipi par ton zizi. C'est ça. Voilà. Parce que nous, les garçons, on fait pipi avec le zizi. Moi je fais pipi du cul aussi. Ah non, non. C'est quand t'es malade, Cédric. Non. Si, quand t'es malade, tu fais pipi. Non, mais c'est un peu la même chose en fait. Alors que t'as un vagin. Et quand t'étais gamin, c'était dur au bahut, j'imagine, ça aurait dû être facile. Bah, je me lavais pas, déjà, en fait, on faisait sport, je me lavais pas du tout. Je suis rentré chez moi pour me laver, donc voilà. Et les gars ou les filles du bahut, ils étaient comment? Ils te traquaient? Ou alors il y en a qui comprenaient? T'avais des potes? En fait, j'ai rien dit parce que voilà quoi. Mais pour eux, t'étais quoi? T'étais un garçon ou une fille? Parce qu'il fallait bien que tu sois un garçon ou une fille pour eux. Bah, pour mes amis, ça passait du comme ils voulaient, donc fille. Ouais, mais pour le bahut. On m'a pété dit ou Céline, donc un bazar quoi. Donc, Ah ouais, même au bahut. Mais il leur avait expliqué, il leur avait dit, enfin tu leur non, avais bah, dit en, que t'avais les deux. En fait, j'avais rien dit du tout. C'est juste en cours. En fait, j'étais en cours. Et donc je lève le. Donc en fait, on devait lever la main. Donc je lève la main. Excusez-moi, j'ai trop mal au ventre, parce que je peux aller à l'infirmerie. On m'a dit non, mais vous venez au tableau pour corriger les devoirs. Ouais. Donc je vais au tableau. Et arrivé au tableau, j'ai senti que ça coulait. Ah, t'as fait pipi? Non, t'as eu tes règles. Oui, j'ai eu en fait une hémorragie de règles. Et, ah merde. Et tout le monde a rigolé, donc je suis parti à l'infirmerie de l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on m'a dit que je pouvais avoir des enfants et que j'avais mes règles. Et qu'on appelait ça une hémorragie. Et là, t'as fini toutes tes opérations pour devenir une femme, ou alors t'as encore des trucs à faire? La voix, tout ça? Non, j'ai encore plusieurs choses à faire. D'accord, qu'est-ce que t'as à faire? Bah déjà, je vais faire retirer la pomme d'Adam. Ah oui, c'est vrai, parce que nous les gars, on a aussi une pomme d'Adam. Ah oui, bien sûr. Voilà. Je vais me faire épilation laser pour retirer les poils qu'il y a un peu sur le visage. Ouais. T'en as beaucoup. Ah ouais, juste sur le visage, t'en as pas dans le dos et tout ça, quoi. J'en ai pas sur le ventre, j'en ai pas sur le dos, j'en ai très peu sur les jambes. Bah tant mieux, ça coûtera moins cher. Exactement, ouais, j'allais te dire, Romano, c'est moins cher. Ah ouais, le laser, ça coûte bon. Hein. Ah ouais. Et t'as quoi comme opération? Moi, je ne paierai presque pas du tout, parce que comme je suis né comme ouais, ça. Voilà. Ah oui, c'est un cas médical, donc dans ce cas-là, ouais. C'est considéré comme. Il y a des aides et tout. C'est pas de la chirurgie esthétique, c'est considéré comme autre chose. Ouais. Voilà. Donc la pomme d'Adam, les poils, et puis quoi d'autre comme opération? Et ça? Bah, j'ai envie, mais. Ça passera pas sur moi, parce que on j'aime pas. Pas ta photo, Céline. Ouais, mais tu l'as envoyé où la photo? Ça passera pas. Mais pourquoi tu bloques sur les seins? C'est bizarre. Non, parce que j'aime pas. D'accord, bah c'est ton si choix. Une fille, Bah, y a des filles plates, qui sont plates. Hein. Moi, j'ai une copine, elle est plate. Hein. Ouais, vraiment. Bah, pas, oui, elle a des seins quand même. Elle est plate. La photo, je l'ai envoyée en message privé sur Skyrock. Ouais, mais sur quoi? Sur le Facebook? Sur l'application? Oui, sur Facebook, non? Ah, sur Facebook. Ah, bah attends, Momo est en train de se caresser, donc bon. Ah, t'allais pas l'envoyer à Momo, tu vas me l'exciter, ah, ouais, Céline. Ah. Cédric, t'as déconné. Momo est en folie, oui. Bon, bah écoute, c'est intéressant ce qui t'est arrivé, Céline. Il y a beaucoup de cas comme ça? Il y a beaucoup de filles qui naissent comme ça? Dans le Nord, il n'y en a pas beaucoup. Dans le Nord, on est à peu près une soixantaine. Ah ouais, quand même. Mais il y a quoi? Il y a un club? Quoi, un club? C'est pas un club, mais il y a une assoce ou un truc qui s'occupe? Il y a un crew. En fait, il n'y a pas une assoce qui est C'est pour ça, en fait, c'est une association qui s'appelle LGBT. LGBT, lesbiennes, gays, trans. Qui est sur l'île, exactement. Et en fait, je suis obligé d'aller là-bas pour avoir un soutien, quoi. Non, mais ils font des trucs bien aussi, hein, donc. Oui. Non, mais il a beaucoup de mains, ouais, c'est bien. T'as raison de te faire aider, puis tu te sens moins seul, parce que ça a pas dû être. Mais aujourd'hui, t'as l'air heureuse. Je suis heureuse, oui, parce que voilà, quoi, parce que c'est mon choix, tout ça. Écoute, c'est bien. Et t'as même en fait, si mes parents et ma famille n'ont pas accepté. Tes parents, ils t'ont rejeté en plus. Mon père m'a rejeté, ma soeur m'a rejeté. En plus, aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Céline. Il y a 200 hermaphrodites qui naissent par an en France. Voilà, et une soixantaine dans le Nord. Ah ouais, quand même, dans le Nord, ça y va. Hein. Est-ce que il y en a plein qui posent la question. C'est Atomic Kuto, par exemple. Il y avait Nordine aussi qui posait la question dans le 9-4 et qui demandait comment tu fais pour tes relations sexuelles. Comme une femme. Oui, mais t'as déjà eu des histoires d'amour, comment ça se passe? Ouais, t'en parles. Non. Les mecs, tu leur expliques, non, tu leur. C'est juste parce que, j'ai eu plusieurs relations, oui. Je peux même dire que quand on est hermaphrodite, on est sans testicules parce qu'on a des ovaires. Ouais. Ah oui. Oui, donc c'est soit en fait des ovaires, soit en fait des testicules. Ah, c'est comme le clitoris et la bite. Ouais, toi tu peux avoir des enfants. J'en ai. T'as des enfants? Oui, la photo sur mon Facebook, c'est mes enfants. Ah, tu nous avais pas dit que t'avais des enfants. On n'a pas vu que t'es. Ah ouais, donc t'es vraiment une femme, oui, si t'as des enfants. Mais t'as accouché normalement? La première par césarienne. Ah, t'as deux enfants, à 26 ans, c'est bien. Non, quatre enfants. Ça quatre enfants. Ah ouais, non, mais toi. Ah ouais, carrément, famille nombreuse. Ah, ça y est. Ça y est, on a ta photo. Salut Céline. C'est marrant de te voir en photo avec des boucles d'oreilles, le petit rouge à lèvres. Moi j'ai pas tes enfants, mais en tout cas, ouais, quatre enfants. Momo, les enfants, les photos. Momo, parce qu'il a gardé la seule photo qu'il a gardée pour lui, c'est les enfants. Mais non, je les ai pas envoyés. T'as bien fait parce que Momo il est pas en clair. Hein. Ouais, attention. Faut faire gaffe. Ok, Céline. Merci de nous avoir fait partager ton parcours. C'est intéressant en tout cas. Tu nous as raconté tout ça là. Avec du recul, t'aurais préféré que tes parents ils choisissent pour toi quand t'étais bébé, quoi, ou. Comme ça, ma famille m'aurait pas rejeté ni rien, en fait. Ouais, ça aurait été. Non, mais c'est terrible pour tes parents de te rejeter parce que comme ça, c'est eux qui t'ont fait au final. Pour toi aussi, non? Pour eux, en fait. Mais c'est quoi, ils auraient préféré que tu sois un garçon ou. C'est pour ça, parce que ma mère est décédée, donc maintenant elle peut plus rien dire. Non, mais t'es une fille, t'as fait un enfant, enfin quatre. Mais mon père voulait que je sois un garçon, ma soeur voulait que je sois un garçon, mes cousins et cousines pareil. Ouais, enfin bon, la nature, elle a choisi que t'étais une fille, tu fais des bébés. Ouais, c'est ça, ouais. Au final, t'es né hermaphrodite, mais quand même plus fille que garçon, quoi. T'es une fille qui était pas finie, en fait. Mais tu vois, moi, le truc qui me fait bizarre, c'est ta voix. Moi non plus, je suis pas finie. Je suis finie, t'inquiète. Quand en fait, je suis opéré d'un pomme d'Adam, ma voix sera un peu plus aiguë. Quand t'enlèves le truc. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Okay. Et la voix, il y a des trucs qui existent pour avoir une voix plus aiguë. Oui, mais il va enlever la pomme. Il faut travailler ça à l'orthophoniste. Joanneau, comme il travaille bien sa voix, vas-y, fais Pamela. On a oublié d'appeler le type là. Oui, bonjour, c'est Pamela. Jean-François. Oui, bonjour. Bonsoir, Céline. C'est Pamela. On t'embrasse, Céline, en tout cas. Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Sur Skyrock, Radio Libre de Diffoul, dernière ligne droite. Juste avant minuit, on va découvrir une nouvelle histoire. C'est le cas de Samy de Paris qui fait des snaps sextape. Il envoie tout ça à ses potes parce qu'il ne croit pas quand il dit qu'il couche avec des meufs. On découvre tout ça avec Diffoul et toute l'équipe dans un instant. Et pour le son classique, Florida, good feeling. Passez un bel été avec le son de Skyrock. Rap R&B. Samy de Paris, Florida et Soprano aussi en feu. Écoutez, ce sera un petit peu plus tard dans la soirée. Bougez pas. Radio Libre sur Skyrock. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 € dans le Morning de Diffoul. C'est vrai? Mais oui. The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock. 65 centimes plus coup d'un SMS. Cet été, Sam débarque dans les dédicaces sur Skyrock. Dédicace! À tout moment, balance ta dédicace à ton pote Sam en direct sur Skyrock et gagne 2 places pour le Whoop à la rentrée. Un spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock et aux potes de Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.

Skyrock. What the fuck? Tout peut arriver. On a au téléphone Samy de Paris qui doit être avec nous. Salut. Il est où Samy? Sur la 2. Salut Samy. Ouais. Bienvenue salut, à toi. Mec. Merci. Il y a Meg aussi qui est là. Bonjour Meg. Salut Meg. Salut. Pratique pour boire un petit café le matin. Non, c'est Meg. Ah, Meg. Le café. Meg Dumont est à 20 ans, comme Samy toi aussi. Il y a Nino de Saint-Denis, 19 ans. Salut Nino. Salut, ça va? Salut Nino. Et toi Nino? Ouais. Attends, t'as une voix de pervers, je suis sûr que tu toi, tu te filmes, toi, Nino, je suis sûr. T'as une voix de pervers, ça va, bienvenue. Bienvenue, Nino. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Amaré? Parce qu'Amaré, il y a plein de messages à chaque fois pour lui. Alors, des messages de respect total, et puis des messages de filles, mais de gars aussi qui disent, ouais, c'est pas cool, tout ça. Mais souvent les nanas. Avec sa femme. Avec sa meuf. Oh, il y a des mecs aussi. Sa femme. Il y a des mecs aussi, ouais, c'est vrai. Alors, on parlait de ceux qui sont déjà filmés. Vous êtes tous les trois déjà, enfin pas ensemble, j'imagine, puisque vous connaissez pas encore, mais tous les trois déjà filmés. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec des snaps, généralement pas des vidéos, parce que. Toi, tu te filmes et tu balances des snaps, toi. Bah ouais, les snaps, ça dure pas longtemps. Oui, mais je sais. Ouais, 10 secondes, en plus, on peut pas enregistrer pour faire l'affaire. Ah oui, mais t'envoies quoi? T'envoies des trucs à ta meuf, quoi. C'est pas genre, tu te filmes avec ta meuf en train de baiser et tu snaps ça. Non, je baise ma maîtresse et j'envoie ça à ma meuf. Non, mais justement, bah c'est ça, genre, c'est chaud. En fait, c'est justement quand je suis en train de. C'est Romano. Comment? Non, mais vas-y, c'était une blague de merde. C'est une blague de ce con d'Ifoul. Pourquoi ce con d'Ifoul, il fait? Ouais, mais quand genre, enfin, je nique une meuf, après des fois il y a des potes qui croient pas et tout, du coup je prends un snap. Et tu leur envoies? Ouais, je leur envoie, il y en a qui se branlent, enfin je sais pas ce qu'ils font, mais ça leur fait marrant en tout cas. Bah, moi je te fais en 10 secondes, ils sont rapides. Hein. Moi je te crois pas, faut que tu me l'envoies moi aussi. Ouais, Cédric qui veut se branler. Vas-y, belge, tirer du bas, Skyrock. Mais on voit la tête de la meuf sur ce que t'envoies parce que c'est. Non, généralement elles sont vraies, du coup c'est pas trop cramé et. Non mais ça, faut pas les cramer parce que déjà c'est pas bien. Cramer. C'est dégueulasse. Et puis surtout, tu peux aussi, enfin c'est pas bien d'abord et après tu peux te retrouver dans la merde aussi. Ouais, aussi. Ouais. Bah ouais. On peut faire ça dans le respect. À partir du moment où tu les baises, du coup. Voilà, comme tu le dis. Ouais, je pense pas que. Comme la tu classe. Dis, et toi, mec, tu t'es filmé ou t'as envie de te filmer? Non, moi c'est juste des snaps, des photos, mais à mon propre copain, pas. Pas ah ouais. À tout le monde. C'est quand vous êtes pas ensemble, tu lui envoies genre ta chatte, quoi. Histoire de le chauffer, ouais. Ouais, voilà, histoire de on va dire ça, quoi. Et en train de faire l'amour, tu l'as fait ou pas? Snapchat. Non. Non, jamais en train de faire l'amour. Non, pas encore. Ouais, c'est juste pour le chauffer à distance, quoi. Toi, ça t'excite, Samy, de savoir que tu te filmes ou alors c'est juste pour les potes? Ah oui. Non, je sais pas, genre je regarde pas les vidéos quoi, mais c'est pour surtout montrer, pour se vanter, c'est un grand mot, mais bah, bon. Ah c'est ça. Ouais, pour leur. Pour leur fermer leur bouche, parce qu'ils te disent ouais c'est t'es un mytho, non regarde. Ouais, voilà, ils disent t'es un mytho, bah je leur dis écoute regarde dans deux secondes. Ah tiens, le message de Clem là qui dit mais t'as pas un peu honte de montrer ta bite à tous tes potes? Ouais, généralement elle est dans le trou donc. C'est vrai, elle est dans le trou. C'est dégueulasse, Karim. Il vient de me montrer un bout d'une vidéo où il se fait sucer. C'est pas vrai. Mais toi, ça te gêne pas de montrer ta bite comme ça? Ah, mais ouais, ça me dégoûte. Depuis tout à l'heure, il me les. Depuis tout à l'heure, il me les montre. Moi, il m'a dit j'aime bien ma bite. Je m'en bats les couilles de ta bite. C'est une petite bite, dis donc. Mais tu fumes à chaque fois, toi, Karim? Non, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Ok. Et tu gardes ça dans ton téléphone? Ouais, tranquille. Attends, tu veux une autre vidéo, gros? Ah non, mais si c'est pour voir ta bite, non, merci. Bah si, je vais avoir ma bite, gros. Je crois que t'as. Jamais. T'as un fan, Karim, dans l'équipe. Ah, Romano, il est attends. Ah, moi, je vais plutôt regarder pareil. Ce connard, il montre ça, il me casse les couilles. J'ai dit, bah vas-y, casse-toi avec ta bite. Ouais. Mec, il y a eu le psy. Eh, mais t'es exhibe, mon pote. Le mec, demain, vous allez voir, il va arriver à poil. Oh, ouais, vas-y. Ouais, non, ça va aller. Et donc, Meg, tu penses là, que c'est tu. C'est un cul. Tu penses c'est le cul à elle, ça va? Comment? Non, j'ai le cul d'une meuf. Excuse-moi, Meg, je suis désolé. Meg, je voulais te demander, tu te filmeras un jour ou tu penses que non? Bah, je sais pas, mais enfin, ouais, si, ça serait intéressant de voir comment on est. Quand on fait comment l'amour. Comment on est, en fait. Toi, dans notre angle, en fait. Toi, c'est une étude scientifique que tu veux faire. Ouais, voilà, c'est. T'es comme Dimitrios qui nous envoie un message et qui, lui, fait ça pour s'améliorer à chaque fois. Il regarde après. Mais moi, je pense que je me dégoûterais un peu. Ah ouais, se regarder après, c'est bizarre. Moi aussi, Romano, je pense que tu me dégoûterais, oui. Non, mais je comptais pas te les montrer. À te voir en train de baiser. Non, mais je pense que tu dois avoir une gueule de con et tout. C'est clair, après, c'est pas cool. Fais pas gaffe. Sur le moment, c'est rigolo. Oui, dans le feu de l'action, mais alors après, à revoir, ouais, ça doit pas être beau à voir. Et toi, Nino, donc toi, t'as 19 ans à Saint-Denis, tu te filmes aussi, toi? Ouais. Ah, c'est Nino avec sa mode pervers. Je t'aime bien, Nino, toi. Ouais. T'es bien, toi, Nino. Ouais, ouais, vas-y. Et donc, tu te filmes à chaque fois? Non, pas à chaque fois, c'est juste de temps à autre. Non, ouais. ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps. Ouais. Mais pourquoi tu t'es filmé? C'est la meuf qui t'a demandé? C'est comment c'est passé? Bah non, justement, la meuf, elle était pas au courant, je l'ai pris en leuleu, quoi. Oui, tu l'as pris. Ah oui. Comment ça, on voit que son cul, on voit pas sa tête. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, mais on nous dit qu'il faut faire attention au tatouage. J'ai une copine qui s'est fait griller comme ça. Ah, mais ça, bah, c'est bah, clair. Ouais. C'est Calou qui nous envoie un message. Ouais, il est arrivé en prison. De quoi? Il y a le même truc. Ah, bah voilà, tu vois. Un truc comme ça. Après, la meuf, elle avait un tatouage avec son nom, son adresse, son numéro. Ouais, voilà, c'est, ouais, ça. C'est sympa. Elle s'est fait tatouer sa carte d'identité. Se faire griller. Ouais, faut pas griller les. Non, mais pourquoi? Comment on t'a grillé, toi? Parce que t'as envoyé un tatouage. En fait, la vidéo. Voilà, j'étais sur. En fait, j'ai pris la vidéo, tout ça, et je l'ai pris, je l'ai mis sur le site. J'ai mis sur Doren Vidéo. Ah, tu l'as mis sur un site. Ah ouais, mais. Ah ouais, donc la meuf, elle s'est fait repérer à cause d'un tatouage. Voilà, c'est ça. Bah, elle a porté plainte, non? Un de ses copains pervers qui l'avait déjà traîné sur le site. Fais gaffe, voilà, si elle porte plainte, tu peux. Il y a des mecs qui ont pris la prison déjà pour des trucs comme ça. Ah bah ouais, moi je ferais. Ah, si elle veut pas, ouais, c'est clair. Je m'en fous, moi, bah les couilles. Bah la prison, tu t'en fous pas, non. Non, quand même pas. Enfin, ils l'ont enlevé la vidéo, j'imagine. Enfin, j'ai demandé à ceux qui tenaient le site et tout ça qui. Ouais, puis un peu de respect pour la meuf, quoi. Bon, respect. Vous m'appelez, allô, bonjour, c'est Cédric. Allô, j'écoute. J'écoute, respect. Je suis là. On voyait pas ton visage. Ouais, ouais, mais tu vois, toi, par exemple, un tatouage, c'est pas con le message de Calou. Oui. Ouais, des fois, il y a des détails, tu vois. Ah ouais, tatouage. Non, mais même, tu sais, des grains de beauté, ou une tache. Voilà, piercing. Une tache, salut. Ouais, non. Je suis là. Je suis une grosse tache. Moi, j'ai une question pour ça. Vas-y, Cédric, je te voyais gigoter, là. Non, moi, je voulais savoir, est-ce que lui, il se voit, tu sais, se filmer, pas avec sa vraie meuf, tu vois, garder les vidéos pour lui, par exemple. Ce qu'il fait avec d'autres. Ah, faire une collecte. Enfin, ouais, tu sais, une vidéo avec sa. Ouais, des petites vidéos de famille, quoi. Et après, tu le diffuses un dimanche après-midi. Regardez, c'est là qu'on a fait le gosse. Ah, ce jour-là, on a fait le gosse. Non, parce qu'il se filmait avec d'autres meufs. Ah, c'est horrible. Savoir si lui, il a déjà fait avec sa meuf ou pas, quoi. Moi, personnellement, quand j'ai pris la vidéo et que je l'ai regardée, ça m'a excité. Hein. Ah, tu dois être, t'étais content de toi. Ouais. Anino, Anino, il est chaud, ouais. Ouais. Anino, c'est un pervers, ouais. Ouais. Je me suis senti performant, quoi. Ouais. Ah, tu t'es dit, je baisse pas mal, en fait. Ouais. Et toi, Samy? Non, enfin, je sais pas, genre, ça m'excite pas de me voir dans une vidéo niquer une meuf ou quoi, mais, enfin, je fais surtout c'est ça pour les potes. Okay. Ouais, ah, okay, ouais. Ah ouais, super. Donc, avec ta meuf, ta vraie meuf, tu t'es jamais filmé, quoi. Non. Enfin, je sais pas, faudrait, non. Et toi, Meg? Non, bah, moi non plus, enfin, vu que j'ai jamais fait, mais je pense pas que filmé, ça m'excite non plus, en fait. Ouais, mais de voir les photos, ça pourrait. Faire en live. Non, bah, pas spécialement, ce serait juste pour voir nos têtes surtout. Vas-y, la tête que tu fais quand tu joues. Ouais, toi, c'est vrai, tu veux faire l'étude scientifique, toi. Ça va faire peur. Hein. Vas-y, moi, Samy, j'attends tes snaps. Hein. Bah, non, vas-y, envoie-moi ton snap et. Bah, tu c'est belge. Toi. Non, mais le belge, il va se branler sur ta bite, Samy, je te préviens. Non, c'est juste pour voir si c'est vrai, tu vois. Genre, bien sûr. Comme ses potes, hein, la même chose. Tu comprennes un snap ensemble? Ouais, non, ça va aller. Carrément. Non, mais vas-y, ajoute-moi, je te rajouterai, c'est belge tiré du bas Skyrock. Vas-y, toi, tu rajoutes lui et moi, j'ajoute Sandra qu'on va prendre. Bah, de toute façon, tu verras, tu reconnaîtras et. Vas-y. Vas-y, je t'ajouterai. Je t'enverrai des snaps d'ici la. Dans cette semaine. Vas-y, pas de problème. Oh là, il va falloir que j'attende la fin de la semaine pour branler. Je fais pas. Ah ouais, j'ai trop hâte. Attendez, il y a Sandra aussi qu'on voulait prendre là. Sandra, t'es là? Oui, je suis là. Donc je te présente pour l'équipe, tu connais. Je te présente. Salut, ouais, je connais, ouais. Meg, Nino, Samy. Salut. Et donc, tu te filmes toi aussi, Sandra? Ouais, je fais des petites vidéos, puis des photos. Donc t'es passé au niveau au-dessus de Meg qui n'en est qu'aux photos. Attention, Meg, tu vas y arriver. Ah ouais. Fais gaffe. Et donc, ouais, elle va y passer. Et toi, c'était venu comment la première fois? C'est un mec qui t'a demandé? C'est toi qui avais l'idée? Ça t'a toujours excité ou je sais pas? Ouais, bah la première fois, c'était un mec qui m'avait demandé en fait. Il m'avait dit, bah vas-y. Et tu t'es pas dit, ouais, le mec. Ouais, t'as pas mis ta tête? Non. Jamais non. La tête? Non, jamais la tête. Ok, donc le mec. Vraiment t'a demandé... pour les personnes proches, quoi. Des gars que je connais super bien. Bon. Ah, à la limite, là, c'est cadeau, il y a la tête c'est en pépère, plus. C'est pépère, quoi. Magnifique. Ouais, donc tu t'es dit, pourquoi pas, et tu l'as fait. Ça, c'est la première fois. Ouais, je l'ai fait et depuis, ben, je fais que ça. C'est une passion dans la vie. Ouais. Depuis, tu te filmes tout le temps. Tu fais que ça? Ah, ouais, j'en fais, ouais. Chaque fois que je rencontre un mec, on passe obligatoirement par cette étape, en fait. Mm-hmm. Ah, bah, faut me l'envoyer aussi. Ah, ouais, attends, c'est quoi ton snap? Ah, bah, ça va snapper. Et les mecs sont pas choqués quand tu leur proposes? Bah, non, bah, étonnamment, les mecs, ils sont à fond dans ça, en fait. J'en reçois beaucoup. Et ensuite, vous vous regardez? Bah non, en fait, on s'envoie. Non, mais la vidéo, tu l'envoies à qui, toi, par exemple? Le Snap, tu l'envoies à tous mes amis Facebook. Ah, sur Snap. Non, non, je l'envoie à des mecs qui s'intéressent à moi, quoi. Ah ouais, hein? Ah, au prochain, hein? Ah, c'est chelou, oui, ton voilà. truc. Ah, genre, si tu veux me baiser, regarde comment je baise, quoi. Non, regarde comment ouais, je suis, non. plutôt. Ouais, aussi. En fait, c'est bien, t'envoies une c'est démo horrible. Un peu, quoi. Tu veux pas nous ouais, envoyer voilà, une démo, une démo. Bah, voilà, voilà ma démo, voilà mon book. Mais c'est bizarre, ton voilà un peu ma c'est carrière. Un c'est un book vidéo. Voilà mon CV. Ouais, mais bah, vas-y. Après, c'est pas bizarre, hein, ça excite. Allô? Ça oui, excite oui. beaucoup. Ouais, c'est des plans cul, quoi. Toi, ça t'excite, ouais. Moi, je suis ouais, pas, ouais. Sûr. Moi, je suis pas sûr que ça m'excite. Oh, ouais, vas-y. Non, un plan cul. Non, si le mec, il considère comme un plan cul, ouais, tu vois, après, un mec qui tombe amoureux de toi, je pense pas que ça va m'exciter, tu vois. Non, le mec, ça l'est. Non, ça l'est. Mais tu veux faire sa vie avec toi, le mec. Aussi, ouais. mec. Ah oui, que t'envoies, oui, c'est clair. Tiens, j'ai pas demandé, vous avez commencé à quel âge? T'as commencé à quel âge, Sandra, toi, la première vidéo? J'ai dû commencer vers 7 ans. Vers combien? 17 ans, ouais. 17 ans, 7 ans d'expérience. Ouais, ouais. 7 ans dans la vidéo. Une experte, une pro. 7 ans dans la sextape. Nino, t'as commencé quand, toi? Hey. Moi, 17 ans. À 17 ans, première vidéo. Ouais, ouais. 2 ans d'expérience. Ouais, ouais. 2 ans d'expérience, c'est la un peu voix. Moins. Et mec, la première photo, c'était quand? C'était 3-4 ans, peut-être, un truc comme ça. Ok, pour l'instant, juste des photos. Bah, tu es au courant de ta carrière. Bah, n'hésite pas. Hein. De ta carrière. Mais en tout cas, Sandra, elle vous a tous mis d'accord. 7 ans d'expérience. Oh, putain, mais... Championne. Bon, Sandra, on te fait un gros bisou aussi. Merci à toi. Ouais, bah, bisous à tous. Et puis. Faites-toi bien. Oui. Hein. Pas et les gars aussi. Hein. Samy et Nino. Merci. Du coup, je peux passer une petite dédicace. Vas-y, vas-y, Samy. Je fais une dédicace à Zedonks. Salut Zedonks. Pour tous les gros seins et toutes les meufs que j'ai niquées, si elles m'ont reconnu. C'est bien de penser à elle. Les auditeurs de Skyrock ont de la mémoire et sont romantiques. Voilà, c'est moi, je vous ai niqué et c'est une petite dédicace. Eh bien, voilà. Ça leur fera très plaisir. Un vrai lover. Salut à toi, Samy, raccroche. Quel romantisme. Oh ouais, à mort. Et je suis tout ému. Et bisous, les filles. On va vous envoyer le t-shirt Skyrock à tous. Salut. Et puis, revenez quand vous voulez. Ciao. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Diffoulé sur Skyrock. Diffoulé sur Skyrock, les meilleurs moments de la plus grande radio libre de France à retrouver tout l'été entre 21h et minuit seulement sur Skyrock. Dans un instant, on va découvrir une toute nouvelle histoire, celle de Samir qui a perdu 4000 euros en un mois. Comment a-t-il fait? On va découvrir tout ça avec Diffoulé, toute l'équipe. On va se taper des barres aussi avec le Karim Comedy Club. Karim qui nous sort ses meilleures blagues. Et le réveil de star, on va prendre un petit morceau du morning de Diffoulé qui sera de retour à la fin de l'été. 1500, vous l'envoyez par SMS au 72020 et vous serez préinscrit pour gagner les 1500 euros quand Diffoulé l'appellera chez vous. Il vous demandera quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Attention, attention, réveil de star avec la voix de Will Smith dans Men in Black. Tout ça à retrouver juste après le nouveau Soprano. Soprano, le psychiatre de la rime. Voici En Feu sur Skyrock. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir j'suis prince de la vie. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. J'suis en feu. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. J'suis en feu. Sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. J'suis en feu. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des cheerleaders. J'suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. J'suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. J'suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. J'suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. J'suis en feu. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches. Ça sent le brûlé, appel. 21h minuit sur Skyrock. Bon, il y a Samir qui est au téléphone avec nous en direct ce soir. Il est où? À Lyon. Salut Samir. Salut. Salut Samir. C'est un petit moment que je vous écoute là. Eh ben t'as bien fait Samir, parce qu'on a passé une bonne soirée pour l'instant. Et c'est pas fini. Des bonnes petites blagues, j'ai bien rigolé. D'ailleurs, le Karim Comedy Club, tu nous as promis avant minuit, Karim, il arrive. Ouais. Alors Samir, toi tu nous appelles pour un truc. Ah ouais, un truc qui t'a coûté cher. C'est ça, hein? Ah merde. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, y a plein de trucs qui coûtent cher. Ça va pas plaire à Romano, ça. Bah, non, écoute, déjà là, je commence à m'asseoir parce que je sens que je vais partir. Alors Samir, donc qu'est-ce que c'était le truc qui coûtait beaucoup d'argent, toi? En fait, moi, si vous préférez, j'appelle parce que j'ai perdu une grosse somme, pas comme je disais à Karim. Combien? Entre 3500 et 4000 euros que j'ai perdu. Oh putain, oui. Ouais, en jouant au poker, en fait. En un mois. Merde. Ah ouais, 3500 et 4000 euros au poker. Ah bah déjà. Je sais pas exactement combien, parce que je compte pas, en fait, tu vois. Hein? T'étais fort, tu sais jouer. A priori, t'as des bonnes mains, ouais. Non, je suis pas un fiche, C'est pas ça, c'est que je me suis laissé entraîner dans le jeu, et voilà, tu vois. Mmh. Au début, tu joues un petit peu, vite fait des petites sommes, tu gagnes pas mal, t'es content, et après, bah, tu mises un peu plus gros. Mais t'as été joué où? Au casino, ou t'as joué avec des mecs? Ouais, que ce soit casino, internet, tout le système, je connais tout, moi. Je joue à tous les jeux possibles. Sur le poker. Il y en a beaucoup qui jouent au poker sur le net. C'est la folie des États-Unis sur Internet. C'est abusé. Donc, c'est une meuf, elle était folle de poker. Ouais. Elle cassait tout son fric dans le poker. Elle passait des nuits à jouer au poker. J'ai un pote pareil. Et elle perdait tout le temps. Ouais, parce qu'à Paris, en fait, il y a des cercles. Il y a des cercles de jeux. C'est un peu comme des casinos, mais c'est des clubs un peu privés. Ouais, Instagram, tout ça, ouais. Moi, j'en suis pas à ce niveau-là. C'est pas non plus des cercles non plus, mais bon. Voilà, c'est des grosses sommes. Enfin, pour moi, c'est des grosses sommes. 3400 ou 4000 euros, c'est une grosse somme, c'est clair. Ouais, c'est beaucoup. Salut les auditeurs du Cher qui nous laissent des messages en rafale. Là, bonjour Asding qui me dit j'habite dans le Cher. Y a où est-ce qu'on va? J'habite à Bourges, Cher 18. Bah, salut à toi. Ah bah, big up à toi. Il y a Flav qui se fout de ta gueule, il est bon au poker. Oui, pas mal. Tout le monde dit ça. Il y a Yo aussi qui nous appelle du Cher et qui nous laisse un message spécialement pour toi. Arrête tout de suite, autrement tu vas finir ruiné. Ouais, non mais j'ai arrêté. Mais déjà, l'oseille, tu l'avais ou tu t'es endetté pour... Bien sûr, quand même. Non, mais tu sais, il y a des mecs qui s'endettent, hein, il faut des crédits, genre Sofaco, CTLM, pour claquer du blé. Moi, je connais un mec qui a perdu ça pour son appart. Hein. Ah, bah, il y en a, ça arrive souvent. Ouais, voilà. Il y en a qui perdent leur maison, il y en a qui perdent leur voiture, il y en a qui perdent plein de choses, quoi. C'est ouf, ça. Bah, tellement ils ont plus d'oseille, en fait, ils vendent la baraque pour manger les dettes. Excusez-moi, tellement ils sont nuls. C'est cool. Je voudrais juste interagir sur le message du jeune là qui a dit il est bon au poker, arrête, je sais pas quoi. Oui. Je vais juste te dire, ça veut rien dire d'être bon ou pas bon, parce que moi je suis très très très fort au poker. Le problème c'est que sur internet, en fait, moi je me suis fait truander, parce que c'est un site d'escroc sur lequel je joue. Je tairai le nom, bien sûr. Mais comment tu t'es fait couiller? Parce que je vois pas comment Non mais t'inquiète pas, parce qu'en fait il y a un système, ça s'appelle l'algorithme, et les gens ils connaissent pas, ils jouent sur le site, ils savent pas, en fait c'est priorité au premier parleur. Enfin, bref, c'est compliqué. Ceux qui connaissent le poker, ils connaissent. Tu voudrais dire que genre les parties, elles sont programmées, quoi? Moi, je pense, personnellement, avec tout ce que j'ai vu, avec le nombre de parties que j'ai fait sur le site, j'en ai fait plus de 15 000 de parties, et je pense que. Mais peut-être il y en a qui jouent à plusieurs, en fait, t'as un mec qui joue sur plusieurs tables. Et en fait, le mec, c'est comme ça qu'il gagne aussi, tu vois, il y a plein de trucs. Moi, le poker, à part le strip poker, je connais pas, moi. C'est moins risqué, tu perds juste tes fringues, donc ça va. C'est ça. Tu perds moins d'argent là. Et sinon, j'avais joué au casino avec Zizine. Elle avait perdu? Non, on avait franchement, elle avait joué, mais c'était pas le Texas Hold'em là, celui là je. C'est le plus connu, le Texas Hold'em, en fait, poker-là. Ouais. Et tu sais, il y a le poker au casino quand tu joues juste contre la banque et tu joues pas contre les autres. Ah, je connais. Et moi, j'avais joué à celui-là et on avait mis 50 balles au départ. On est monté jusqu'à 900 euros, mais on avait... Romano éjacule. Hein, ils en ont mis plein le fut. Il y en avait partout. Non, mais en plus, tu sais, le mec, il nous expliquait. Les gens... C'était bon l'air dans le casino. Ah putain, ouais, j'étais content, quoi. Et non, mais Cariole, je l'aurais écouté, elle voulait jouer les 900 balles. Non, on a mis mis 500 balles de côté et elle a perdu 400. Voilà. Là, t'étais énervé. On a, bon, ouais, bon, ça va. T'as envie de jouer. Non, mais en plus, ça va. On arrive avec 50 balles, on est reparti avec 500, c'est rentable. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Non, mais à chaque tour, putain, on avait du jeu, quoi. C'était minimum. Ouais, ça, c'est coup de bol. Paire. Ah ouais, mais c'était un truc. Poker, la chance du débutant. Est-ce qu'il y avait des paires de couilles aussi? J'adore les paires de couilles. Non, c'est plus paire d'as, valet, roi. Ouais, c'est cool le poker, moi, j'aime bien. Ah putain, ouais. Marie, tu joues au poker. Ouais, déjà que t'as pas un rond. Ouais, toi, je comprends que ça te plaise moins, toi, le poker. Ouais, ça, c'est sûr. T'imagines avec ce que t'as perdu. Il y en a qui hallucinent, d'ailleurs. 4000 euros, il est fou, il aurait dû s'arrêter avant, le gars. Mais t'en as, il joue plus que ça. Hein. Moi, j'ai un pote à moi, ça fait 10 ans qu'il vivait du poker. Là, il a arrêté parce qu'il perdait tout. Mais pendant 10 ans, ouais. Le mec, il travaillait plus. Hein. Parfois, t'arrêtes parce que t'as plus d'argent. Ouais. Non, parce que lui, c'est un joueur professionnel. Le mec, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, moi, du fou. Là, j'ai perdu 3 000 à 4 000 euros, mais c'est sur ce mois-ci. Mais autrement, moi, ça fait plus de 5 ans que je joue au poker, tu vois, et j'ai jamais été en déficit, j'ai toujours été en bénéfice, tu vois. Eh ben, il y avait un moment où on perd. Ouais, voilà, tu perds. À des moments, tu perds. Comme là, ce mois-ci, c'est mauvais rush, comme ils disent, et voilà, j'ai perdu 3 000 à 4 000 euros, mais bon, ça, on va dire, il y a plusieurs fois où j'y suis allé au casino, je suis sorti avec plus de 1 600 euros sur moi, on était rentré avec 200 euros. Et sinon, il y en a plusieurs qui nous disent. Il y a Elias qui nous dit qu'il existe des jeux gratuits. Il peut jouer au poker gratuitement. Il y a un jeu qui s'appelle Zynga Poker. Ouais, mais l'adrénaline, a priori, les vrais joueurs, ils ont besoin de mettre de la thune et d'en perdre. Ouais, c'est pas, sinon, ça les intéresse pas de jouer pour des jetons, quoi. Pour pas des jetons bidons, quoi. Ouais, t'as vu, tu parles comment, tu dis jetons, alors que ça se dit jetons. Jetons. Je suis assez content, merci. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Samir, nous? Non, rien, bah juste savoir est-ce qu'il y a des gens à qui ça les a saoulés grave de jouer au poker et que ça leur a fait mal à la tête et que d'un moment ils en ont eu marre, ils ont dit bah écoute, j'arrête tout. Au bout du compte, t'as pris la bonne décision, toi tu t'es arrêté tout seul, donc ça va, c'est bien. Tu t'es fait interdire? Ouais, moi je me suis fait interdire des casinos où j'allais et je me suis fait interdire sur le compte où je jouais sur le net. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que si tu peux jouer à la maison. Hein. Ouais, franchement, si je peux leur faire vraiment une mauvaise pub, c'est le site soi-disant le plus connu en France, c'est le plus gros site. Ah, tu leur en veux. Ah bah imagine Romano, t'as perdu 4000 euros. Ouais, mais bon, après c'est le jeu. C'est le jeu. Non, Romano, franchement, je te mens pas. Moi, je suis pas mauvais joueur, mais j'ai vu des choses sur le site, c'est de l'escroquerie. Non, mais je pense que ça doit être assez surveillé quand même, ce genre de truc. Ouais, parce qu'en plus, il faut des autorisations de l'État et tout. Hein. Ouais, c'est dangereux. C'est pas les mecs qui trouvent pas un casino comme ça. Non, mais c'est pas le site qui carnate. En fait, c'est des joueurs en fait qui mettent en place des systèmes pour gruger en fait. C'est plus ça. Hein. Bon, si vous êtes des gros joueurs, dites-nous, tiens, pour Samir, on peut vous mettre en contact avec lui. Les Américains nous l'envient, les Chinois l'ont déjà copié, les Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comedy Club sur Skyrock. Allez, Karim Comedy Club, qui c'est qui commence? Karim, tu ouvres le bal? J'ouvre le bal. Simon t'enchaîne derrière, et puis je vous disais, il y a Kevin aussi qui doit être dans le coin, en direct du 70. Salut Kevin. Salut. Alors Karim, représente la blague du monde entier, mais le 9-2, et le Maroc aussi un peu. Ouais, Kevin, tu représentes le 70, et Simon, tu représentes le 83. On va voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que vous allez repartir avec votre Street Fighter V. J'ai prononcé à l'américaine. Tout de suite. Alors Karim, commence tout de suite, une petite blague sur Cédric pour faire plaisir. Allez, vas-y. Puisque ça plaît à tout le monde. Cédric, t'as beaucoup de succès, moi ça me fait vachement plaisir. J'entends ça. En tout cas, au Karim Comedy Club. Ouais, alors une blague de Matisse. Oui, c'est sur Cédric. Ouais, sur Cédric. Il y a Romano et Difool dans l'histoire. Donc on est tous dans l'histoire, c'est mignon. Magnifique. Ouais, oui. Donc c'est Romano, Difool et Cédric qui sont âgés, genre 80 piges, et ils parlent de sexe, tu vois. Donc t'as Difool qui dit, bon, moi les gars, je bande quand je veux. Ouais. Là t'as Romano qui dit, putain, t'as de la chance, moi, je bande quand je peux. Ouais. Là Cédric il les regarde avec les larmes aux yeux, il leur dit, bon, bande de cons. Hein? D'accord. Non, vous avez pas compris. De con. Si. Mais c'est un peu subtil, tu vois. Ça y est, Romano a compris. Bande de cons. C'est un peu subtil. Bon, alors on a fait une blague à la Laurent Ruquier là. C'est ça. Je vous ai fait bientôt grosse tête, Karim. Alors Simon, à toi, vas-y, fais péter, Simon. Ok. Alors. C'est un mec, genre, tu vois, il a une très grosse bite, tu vois, genre 50 cm, le bordel. Génial. Du coup, il va voir un mage et elle lui dit, ouais, va voir cette grenouille dans le marais. Mmh. À chaque fois qu'elle te dira non, ta bite, elle réduira de 10 cm. Ouais. Du coup, lui fait, ok, pas de soucis, il va dans le marais, il va voir la grenouille. Et donc, il arrive et il fait à la grenouille, ouais, est-ce que tu veux te marier avec moi? La grenouille, elle fait, non, paf, sa bite, elle descend 40 cm. Ah. Il fait, ouais, c'est encore gros. Il fait, donc, il lui demande une deuxième fois, est-ce que tu veux te marier avec moi? La grenouille, elle fait, non. Du coup, sa bite, elle redescend, elle fait 30 cm. Fait, bon, je vais le refaire encore une fois, comme ça, 20 cm, ça passe, c'est ni trop petit, ni trop grand. Du coup, il fait, est-ce que tu veux m'épouser? Et là, la grenouille, elle fait, t'as, je te l'ai déjà dit, non, et non. Pas mal, Simon, pas mal. 0 cm. Voilà, bien, Simon. Kevin, à toi. Alors, moi, c'est quelle est la différence entre les femmes et les poubelles? Je la connais, celle-ci. Moi aussi. Quelle est la différence entre les femmes et les poubelles? Non, mais j'ai dû l'entendre, mais tu sais, je m'en souviens jamais. Oui, il n'a pas de mémoire. Pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. Alors, la différence entre une femme et les poubelles. Alors, tu la bourres toute la semaine et tu te casses le cul à la sortir le week-end. Exactement. C'est malin. Kevin est très content de sa blague. Évidemment. Vas-y, Karim. Kevin. Allez, Raphaël, c'est Romano et Cédric qui vont acheter des slips ensemble. Donc, t'as la chance. Tu me gâtes, vraiment. Donc, t'as Romano qui prend 7 slips et Cédric, il en prend 12. Donc, Cédric, il regarde Romano, il lui dit: pourquoi tu prends 7 slips? Romano, il explique, il lui dit: un pour lundi, un pour mardi, un pour mercredi, jusqu'à la fin de la semaine. Romano, il dit à Cédric: et toi, pourquoi t'en as pris 12? Cédric, il lui dit: un pour janvier, un pour février. Hey Je vous l'ai dit, les blagues de Cédric, c'est les meilleures. Il y en a une de ce Delta, là. Vas-y. Quelle est la boisson préférée des curés? Un petit blanc cul sec. Un petit blanc cul sec. Un petit blanc cul sec. Karim, tu l'as vu, la blague de Aoshi sur les deux blondes qui jouent aux échecs? Ouais, c'est deux blondes qui jouent aux échecs. T'en as une qui dit à l'autre: t'as les règles en tête? Et la deuxième, elle lui dit: pourquoi je saigne du nez? J'avais déjà entendu celle-ci. Super, Aoshi. Elle est bien, celle-là. Vous connaissez le nom du journal publié chaque semaine dans le Sahara? Non. Tu connais pas? Non. Le journal publié chaque semaine dans le Sahara, c'est l'hebdomadaire. C'est grave, celle-là. L'hebdomadaire, merci à Ludor du Rhône, 20 ans, salut à toi. Et on reste dans les animaux. Oui. Alex, que font deux aussi éléphants quand ils ne s'aiment plus? Ils se trompent énormément, je crois. Ils se trompent, bah oui, les éléphants, ils se trompent. J'en ai l'autre d'un autre Alex, gros. Ouais, vas-y. C'est une blonde qui est à l'hôpital, là, t'as sa copine brune qui va la voir, elle arrive, elle la trouve avec deux bêtes de bandeau sur chaque oreille. Elle lui dit: putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, là? La blonde, elle lui dit: j'étais en train de repasser ma chemise et mon téléphone, il a sonné et j'ai pas fait gaffe et j'ai pris le fer à repasser et je l'ai mis sur mon oreille droite. Mmh. La blonde, elle lui dit: ok, d'accord, mais l'oreille gauche, elle lui dit: la gauche, c'est quand j'ai voulu appeler les pompiers. Les blagues sur Cédric et les blagues sur les blondes, je vous le dis souvent, c'est mais c'est mes préférées. Ah ouais, c'est clair, ouais, je suis d'accord. Vous en avez une petite pour finir, Simon, t'en as une? Aïe, aïe, aïe, Karim, vous a mis à chaise ce soir. Et Kevin, une petite? Non, j'en ai pas pour le moment. Ah, mais c'est la merde. Ouais. Est-ce qu'on leur offre à tous les deux leur Street Fighter, ouais, Karim? Ouais, c'était pas mal, hein, quand même. Vous gagnez votre Street Fighter 5. Le nouveau Street Fighter, le tout nouveau. On vous l'envoie à la maison à tous les deux, là. Bien joué, Kevin. Bien joué, Simon. Et vous aussi. Merci, ça fait plaisir, l'équipe. Eh ben, fait plaisir. On essaye. Soir de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. Radio Libre sur Sky jusqu'à minuit avec attention, le réveil de Star tout de suite. On a pris la voix de Will Smith dans Men in Black et on a appelé les familles pour les réveiller. C'est un extrait du morning de Difoulé de retour à la fin de l'été avec des chèques de 1 500 € qui vous offrira si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. On s'inscrit maintenant, c'est tout l'été avec les chiffres 1 500 que vous envoyez au 7 20 20. Réveil de Star, c'est parti avec Will Smith et Justin Timberlake juste après Can't Stop the Feeling sur Skyrock. Le réveil de Star, une star. Une star, un appel, on écoute. Attends. Allô? Qui êtes-vous? T'es qui, toi? Je suis le lieutenant Colombo de la 26e circonscription. Ah, t'es le lieutenant? Comment ça va? Bah, ça va, et toi? Vous êtes déjà levé, vous ne dormez jamais ici? Non, je suis en train de me faire un joint. Ah, oui, moi aussi. Regarde, j'allume ma cigarette. Allez, allume un joint. Voilà, c'est bon, hein? Tu sais que là, j'ai la gendarmerie, là. J'ai appelé la gendarmerie et t'es sur écoute, là. Ah bah. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu. Tu vois, quand je vais te voir aussi, Colombo, fils de pute, ça. Je ne veux pas qu'on m'appelle Junior ou le Nain ou le Nabo, rien de tout ça, d'accord? Non, je t'appelle fils de pute. D'accord. Pourquoi? Je sais pas, mais. J'ai l'impression que quand je vais te voir, je vais te défoncer la tête. Je veux parler d'arme à feu, petit branleur. Ton arme à feu, je le fous à ma bite, moi. C'est mes bras, je te dis, moi. Je suis peut-être le seul à trouver ça drôle. Mais t'es un enculé, toi. T'obtiendrais de bien meilleures réactions si t'étais plus poli. Ouais, mais justement, c'est parce que je m'énerve, là. C'est parce que là, j'ai trop hâte que tu viennes, là. On se rend compte, là. Oui, ça, c'est sûr. Bah, viens à la maison. Pourquoi? À l'apéro. M'oblige pas à te tuer. Attention, hein. Jacouille. Ça va pas, la tête? Mais non, c'est pas Jacouille, les gars. Non, mais il a tout confondu. C'est Will Smith, celui qui était dans Men in Black. Bah oui, Will Smith de Men in Black, Jacouille. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, dingue. Ouais. Will Smith, je savais pas qu'il avait fait l'inspecteur Colombo. Eh ben ouais, hein, on en apprend tous les jours. Moi, Colombo, c'était le vieux monsieur avec son, imperméable. Ouais, comme ma femme me disait toujours. C'est dans quel film, Will Smith, l'inspecteur Colombo? C'est dans Men in Black, ça. Ah. Eh oui. Le roi du camouflage. Attends, je crois qu'il y a Cédric qui n'est pas d'accord avec toi. Ah non, non, je suis pas sûr, moi. Parce qu'il a fait une grimace du visage. Non, non, non, c'est, non, il a souri. Ah. Il a souri, tout ça. Il rigolait pendant l'appel, Romain. Ah ouais, moi, j'aime bien. Ne t'inquiète pas. Bon, et les familles Will Smith, le contact est bien passé, c'est super. Tous les soirs, viens-toi aussi rejoindre la plus grande radio de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Sur Skyrock, numéro 1 des ventes en France actuellement avec Can't Stop the Feeling. On va faire tourner la roulette maintenant et Priska arrive juste après sur Skyrock. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Et on file du côté de Perpignan avec Ilyes. Allo Ilyes. Allo. Ouais, ça va Ilyes, en pleine forme? Ouais, ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va, toi t'es en vacances, tu bosses un peu la journée et puis le soir t'es posé tranquille quoi. Voilà, c'est ça. C'est bon, vacances, ça fonctionne. Et travail. Écoute, l'enceinte peut-être pour toi, la Monster Backflow qui vaut 200 euros et la compile Planet Rap 2016. Alors, si tu parfait. Me fais un stop digne de ce nom, on t'attend, on t'écoute. D'accord. Stop! bah franchement, si tu gagnes pas avec un stop comme ça, moi je m'en coupe une. Hein. Alors. Ah, je viens te voir direct. Alors on vérifie tout ça. Il y a du son, Planet Rap 2016, la compile avec les 40 meilleurs sons de Skyrock à l'intérieur et l'enceinte aussi qui marche partout. Ah putain, parfait. La totale pour toi, c'est les deux cadeaux. Ah c'est cool. Félicitations Ilyes. Merci. Eh bah bravo, écoute, tu bouges pas, tu raccroches pas, on te reprend juste après, on prend tes coordonnées, puis on t'envoie un gros carton Skyrock avec l'enceinte et la compile à l'intérieur. Ok, c'est cool, merci. Je peux passer un message? Bien sûr. Ok, en fait c'est pour tous ceux qui veulent pratiquer du football américain sur Perpignan. Les Archanges de Perpignan recrutent, on commence les entraînements en août. Eh bah ça marche. Si vous voulez venir essayer, si vous êtes des bonhommes, vous savez où c'est. Ah ouais, pourquoi? Toi t'es un mec sévère toi, tu mets des gros coups quoi. Bah ouais, j'adore le football américain, c'est ma passion. Le football américain, gros coup d'épaule quoi. Non, coup de tête plutôt. Doucement quand même. Eh, on a les casques, c'est pas fait pour décorer. Ah bah ouais, bon bah écoute, ce sera sans moi, d'accord? Ok. Bon, je t'embrasse. Salut, Ilyes. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais, ouais, désolé, on en a besoin de Max. Hein. Ah ouais. On le garde chez nous, merci. Et tu vois, t'as un ticket avec Prisca en plus. Hein. Quoi? Ah ouais. Ah mais j'ai hâte de sauver la vie, t'es con ou quoi? Non, mais après, en soi, c'est pas super violent non plus. Hein, mais. Bah ouais, bah super, t'as vu comment est-ce tu dis, que vous avez des pom-pom girls? Non, bah justement, tu serais la bienvenue. Ah ouais, mais vraiment, je vais être toute seule quand on même. On recrute aussi. Si, si, Prisca, elle a sa plus belle jupe. Pom-pom girls. Ah ouais? Bah c'est dans le sud, en plus, on a le soleil, on a le beau temps. J'ai bah, débarqué avec mon sifflet et ma canne là. La canne, ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr, ouais, c'est bien. Le sceptre. Bon, voilà. Écoute, après ce grand n'importe quoi de la bande FM, Ilyes, on te fait un gros bisou. Allez, bonne salut. Nuit. Merci, ciao, ciao, bonne nuit. Ciao, ciao. Et vous l'entendez, Prisca est de bonne humeur ce soir et elle va nous préparer une émission avec plein de sons qui déchirent à l'intérieur, n'est-ce pas? Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je dise quelque chose pour te sauver la mise parce que tu t'en sortais pas en fait. Ah oui, oui, mais écoute, football américain, moi, très peu pour moi. Là, je suis plus à raconter une connerie derrière les radios et ce sera très bien comme ça. Eh bah, c'est très bien, Max. Ça marche. Bon, bah écoute. De retour quand? Retour Radio Libre de Default demain soir à partir de 21h. Et puis demain matin pour le 9-12, il y aura plein de sons à écouter et des cadeaux à gratter. Alors à demain matin avec Max. Ça bonne marche. Nuit. Yo, Prisca. Bonne nuit Max et bonne nuit à tous avec le son de Skyrock, Rapper NB non-stop comme toutes les nuits. On vous accompagne et puis surtout, bah voilà, vous êtes en vacances, vous en profitez pour veiller tard avec du bon son. Restez bien avec nous et puis salut aussi à tous ceux qui nous écoutent en direct du boulot pour repartir tout de suite. On va écouter le son de Drake, Max. Parce que je vois que tu. Eh oui, c'est lui qui est derrière la console et moi je suis. Et lequel? Parce que des Drake, il y en a plein là. C'est le One Dance de Drake que j'ai sélectionné précieusement pour le premier son de cette émission. Voilà. Sauf que je tombe pas dessus là sur l'ordinateur. Alors, on va expliquer à Max comment ça marche. Est-ce que tu as rafraîchi le conducteur? Ça, c'est un langage radiophonique pour trouver la bonne date. Et oui, tout à fait. Disques, voilà, je les ai déjà rentrés. Donc, c'est Drake tout de suite et puis juste après, il y aura Alonso et Binta et puis après, je m'occupe de tout. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you